DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Eh, vous avez vu là ? Dorothée du Club Dorothée fait son grand retour. Ouais, en chaise roulante. Oh, un peu de respect déjà quand même. Bah ouais, mais c'est vrai, Ariane est ménopausée maintenant. Oh. Vous imaginez ce que ça pourrait donner le Club Dorothée maintenant ? Bah ouais, parce qu'avant, il y avait Jackie et Corbet qui se prenaient des tartes à la crête dans la gueule. Bah tu sais, maintenant, vu les jeunes qu'on a, ce qui serait drôle, c'est qu'ils se prennent des cailloux dans la gueule. Ouais, c'est drôle ça, dis donc. Ouais. Dis-moi, tu comptes rester toute l'émission là ? Bonjour, c'est Zizou. Alors, moi aussi, j'écoute Mickaël de 21h à minuit parce que. Franchement, c'est bien. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Parce que, franchement, c'est bien, hein. Et c'est Zizou qui le dit. Ouais, et on est là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Comme on en parlait à l'instant avec Cash, il y a Bordeaux qui joue également. 1-0 pour Bordeaux. Ouais, mais Bordeaux, c'est bon, la Ligue des Champions, c'est tranquille dans la poche. Ouais, mais enfin bon, voilà, 1-0 pour Bordeaux, 1 partout pour Marseille et bon, pour le Real. 1-0 également pour Porto, le reste, on s'en fout, hein. Oui, bah non, le match qui est intéressant, c'est aussi Zurich-Milan, là. Oui, bah 0-0 pour l'instant. D'accord, il faut que les Marseillais gagnent. Il faut que les Marseillais gagnent, mais on n'est pas loin. Et donc Sandro qui, toute la journée, a chanté, hein. Oui. Enfin, chanter, là. Un drame. Je m'exerce à la chanson. Oui, oui, oui, un drame, un vrai drame. Pour la reconversion. Non, mais je travaille mes cordes vocales, sérieusement. Bah, travaille encore, hein. Ah non, on peut t'aider pour les cordes vocales. Ouais. Les amygdales même. No comment. Il y a du produit totalement naturel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une grosse surprise pour demain. C'est la star de fin d'année. Il s'appelle Walid, mais je veux pas en dire plus. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, d'accord. Okay, ouais. Soyez patient, attendez demain et vous verrez. C'est pour fêter, enfin pour Noël et pour le Nouvel An, c'est énorme. Bon bah donc c'est soyez là demain. La star du net du moment. Voilà, soyez là demain à partir de 21h. On aura l'occasion d'en reparler et puis bah le retour du Club Dorothée donc hein. Ouais. Eh ouais, on en parlera. On en parlera dans quelques instants puisque Dorothée en concert hein, bientôt. Hein. Ouais, c'est pas que Dorothée qui revient, c'est un concert. Non, c'est le concert de Dorothée et. Elle est amoureuse. Oh, elle parle au roux. Oh, la Goliot. Elle est vraiment Goliot. Hein. Confirme, ouais. Bon, donc le retour de Dorothée, on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Elle a déjà fait son retour sur IDF1 là. Ouais, mais autant dire nulle part quoi. Ah, ouais, et là, c'est le grand retour sur scène. Ah ouais, et quel grand retour. Alors tu sais, autant bon, je vais revenir avec ça, mais autant Jared Leto m'avait invité à faire en mars la présentation de son concert. T'en parle, hein. Autant Dorothée, je verrai Sandro moi. Ah mais attends, mais c'est un honneur de le faire. Ah bah écoute, je le laisse hein. Elle a dit qu'elle avait cédé à la pression des fans. Ah bon, ouais. Mais ça va être blindé hein. Ah oui, non mais ça j'en doute pas. Par contre, assuré hein. Tous les trentenaires. À l'époque j'avais été la voir à Bercy moi, je me rappelle. Ouais. Mais attends, les roues c'est pas possible. Mais attends, pas compte les salles qu'elle remplissait hein. Mais c'était je dis pas le contraire. Vraiment un phénomène de malade. Quand t'as juste ça, ça va. Mais le roux, il a quand même les boys bands. Dorothée. Il a été voir les musclés aussi. Oui mais il a grandi sans son papa. Oh, voilà. Dans un HLM. Ouais, c'est vrai. En étant fan de Paris. Ouais, en plus. Donc il est excusé. Exactement. Ça, c'est vrai que là, depuis 10-15 ans, il n'y a plus d'animatrice ou d'heure juste pour les gamins. Quoi. Si, il y avait Maureen Dore. Oui, donc depuis 10 ou 15 ans. Ouais, pardon. Ouais, tu vois, ça fait un petit bout de temps. C'est vrai que ça manque. Hein. Dorothée, c'est la recordman de Bercy. C'est celle qui a tenu le plus longtemps à Bercy, plus que Madonna, plus que Michael Jackson. Mais c'était à l'époque, c'était différent. Tout Attends, était différent. Attends, mais regarde Madonna, c'est une artiste de ouf. Pourtant, je suis sûr que son prochain concert, mais concert. Cher, pardon, cher, parce que Porto vient mettre un deuxième but. Ouais, il explose Dorothée, Michael Jackson, prochain concert. Ouais. Ah ouais, même sûr. Sans être là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tu verras. Je pense pas. Bon, ce soir, on aura également Pony avec Pony Pony. Run avec Hey You. Voilà, c'est ça la chanson. Hey You. Elle est très bien. Allez Sandro, vas-y. Ils chanteront en live aussi tout à l'heure. Hey You. Attends, quand ils arrivent, quand ça arrive. Dis-moi penser, je la connais pas. Tu connais pas la chanson ? Non. Mais si, tu vas voir leur frein. Tu vas voir leur frein. Regarde, écoute. Hey You. Merde, pas encore. Attends, ça arrive. Je croyais qu'on y est. C'est pas mal en tout cas. Ça a l'air pas mal. Attends. Allez. Évidemment, ça n'arrive pas. Hein. Mais ça va arriver. Ah, plus tu l'attends, moins ça va arriver. Voilà. Non. Putain. Alors, chanson de merde, là, je leur dirai tout à l'heure, tu vois. Ça va arriver, là. Non, mais c'est vrai, c'est long. Et ils sont français, hein, ils sont nantais. Ouais. Et heureusement, enfin, je sais pas, on leur demandera, ils sont pas fans de foot. Attention. Hey, you. You have to. Voilà, bon. Ah oui, d'accord, ah, ça dit quelque chose. Il était temps que ça tombe. Effectivement. Bien, bon, Pony Pony Run Run, ils seront avec nous tout à l'heure. Je sais pas quelle heure, mais on vous dira ça. Quelqu'un sait à quelle heure ils arrivent ou pas? Pas du tout. D'accord, là. Non, bah écoute, très bien, bah restez là. On aura un répondeur aussi qui est là, 01 40 71 3400, comme tous les soirs. Vous lâchez vos messages donc, et puis bah les messages les plus originaux repartent avec des cadeaux. Faisons un tour du côté du répondeur. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Ce soir est un grand jour. Oh. Le soir où la lune sera différée de l'espace. Ce soir, exclusivement, vous allez y appeler les esprits pour moi. Si aucun être n'est, appelez-moi. Je serai libre à n'importe quelle heure de la nuit. Pensez-y et invoquez Jésus-Christ. Fin du message. Message. Il a grave, hein. Allô, Polo. C'est Jean-Claude. C'est pour dire que... Oui, c'est bien. Ta combi rouge en cuir que tu as parlé dimanche. Ce serait bien de venir la question. C'est une blue boy. Allez, je t'attends. Bisous. Fin du message. Message suivant. Alerte générale, c'est bientôt Noël. Toutes les dindes sont en danger. Pour qu'elles aient le temps de se cacher, appelez et prévenez toutes les dindes que vous connaissez. Voilà, bon, moi c'est fait, hein. C'est bon. Fin du message. Message suivant. Donc, salut l'équipe, moi je voudrais lancer un petit coup de gueule contre les transports en commun. Donc, à chaque fois que je suis dans le bus ou dans le tram, il y a une loi universelle qui fait qu'à chaque fois, je suis collé contre soit une grosse, soit un gros moche qui pue, soit quelqu'un qu'on voudrait pas forcément être à côté. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui nous entendent et qui font « Non, c'est pas vrai, j'étais à côté d'un turbo gosse, un truc du genre, mais il faut qu'ils disent que la réciproque existe aussi. Donc, s'il vous plaît, ne vous collez pas trop à nous. » Fin du message. Message suivant. Réciprocité, je crois. L'exploratrice sera grande et se fera explorer par son copain. Reste à savoir si ça sera Babouche le singe ou Totor le taureau. Fin des nouveaux messages. Voilà bien, donc, hein. les nouveaux messages. Go 01 40 71 3400. Alors, lequel? Oh, le métro, moi j'aime bien le métro. Ouais, le métro, ouais, t'es pas mal. Oh, c'est vrai que le métro était sympa, ouais. Bon, allez, on fait gagner celui-là. Michel, le métro! Avant-dernier. Entends rien. Allume ton micro. Oui, bah, c'est pas moi qui régis ça. Régisseur. Pour trouver le mot. Oh là là là là. Oui, je te confirme. Le premier, il n'y a pas de problème. Non, okay. Non, le métro, pas le premier, le métro, c'est celui-là qui gagne. Bah, le premier métro. Et ici, il est trop lourd, hein. Bon, 01 40 71 3400, si vous voulez lâcher vos messages sur le répondeur, allez-y. Et puis au niveau des jeux, ce soir on a pas mal de jeux, notamment DJ Hero qu'on vous file sur console si vous n'avez pas la console qui va avec. DJ Hero, c'est le jeu avec David Guetta, hein. Enfin, c'est David Guetta qui a participé à la conception du jeu. David Guetta, on l'avait reçu d'ailleurs à l'occasion, pas à l'occasion, mais on l'avait reçu pour autre chose, mais il nous en avait parlé la dernière fois qu'il est venu, ouais. Bah, c'est là qu'il nous avait annoncé qu'il faisait DJ Hero. Exactement. En exclusivité d'ailleurs chez nous. Tout à fait. Et on aura aussi des DVD et des Blu-ray de L'Âge de Glace 3. On aura également Heroes, la saison 3, également en DVD et en Blu-ray. On a des places de foot pour Lyon-Bordeaux, le gros la grosse choc. Baston là, la grosse baston. Ce sera le 12 décembre, donc place à vous filer aussi 112. Débutez votre message par énergie, puis vous mettez foot avec votre pronostic ce soir, par exemple pour Marseille-Madrid ou pour le Maccabi Haïfa face à Bordeaux. 612, débutez par énergie, puis vous mettez foot avec le pronostic pour les matchs que vous aurez choisi. Il y a des radios wifi également à vous filer, des compil énergie 2010 et puis des albums de Miley Cyrus. Voilà. Et puis on est tombé également sur ouais, c'est ça, vous avez vu la une du Parisien. Oh, voilà, bah non, j'ai jamais ça, moi. Exactement, ouais. Enfin, c'est... Non, alors c'est un spécial chirurgie. C'est la chirurgie esthétique. Ouais, c'est ça. Ah, donc, ah c'est ouais, normal donc... que t'as été sensibilisé à ça. Ouais, c'est ça, donc ils font le gros titre. 14% des Françaises y ont déjà eu recours. Alors bon. Ouais, Sandro en premier, hein, pas, c'est hein. Une opération, ouais. L'opération des seins, je crois. Hein. Pas du tout, c'est 100% naturel. Désolé de te décevoir. Comment elle fait ça qu'elle s'est pas touchée? Tu peux le prouver? Comment ça? Que c'est 100% naturel. Attends, je vais vérifier. Et pourquoi vous me croyez pas sur parole, hein, chaque fois que je vous parle, hein. Bah, à ce niveau-là, on a toujours un doute. Attends, fais voir. Ah si, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, ça t'excite de toucher les seins ou pas? Ouais, j'aime bien. Ah bon, d'accord. Parce que vous moi aussi, j'ai des boules, si tu veux. Vous emballez pas, hein, parce que bon, donc en fait, j'ai lu l'article et en fait, j'étais super déçu. Parce que tu sais, moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, maintenant, la chirurgie était tout le monde va en faire. Donc on va avoir des bonnes partout qui font ça juste pour nous plaire. Ça doit être des relous, tu sais, elles doivent se faire le lobe de l'oreille, leur se refaire un bouton. Enfin, tu vois, c'est ça. Exactement, c'est chieuse, en fait. Ouais, voilà. Que dalle, les meufs, elles font ça juste pour se plaire. C'est-à-dire qu'en gros, elles font ça juste pour se kiffer dans le miroir. Mais bien sûr. Mais par contre, pour contredire Mike. Avant, c'était le nez qu'elle se faisait le plus refaire en France, et maintenant, je crois que c'est quand même les loches. Après, ce que tu mets dans la chirurgie, ça dépend si ça compte dedans. C'est par exemple les sourcils. Tu peux te faire tatouer un sourcil. Est-ce que ça compte dans la chirurgie? C'est pas de la chirurgie. Hein, parce qu'il y a pas, la chirurgie, c'est vraiment quand il y a bistouri, un truc sous ta peau. Quand il y a bistouri. Donc en fait, putain, les filles, mais putain, faites un effort quand vous faites ravaler la façade. Faites-le pour nous faire bander, putain. Mais t'as des meufs qui ont un, et même pareil pour les mecs, mais qui ont un handicap physique. Enfin, quand je dis un handicap, c'est genre un nez qui est trop long, trop crochu, je sais pas moi, un défaut, et veulent leur faire pour elle. Sans vouloir casser ton truc, une fille qui se plaît te fera forcément bander. Ça, c'est pas sûr. Non, pas avec Toff. Ouais. Comment ça? Avec des gens normalement constitués. Bah, parce que Toff, il y a bien que les cassos, c'est les nez et les moches. Les cassos, ouais. C'est vrai. Oui, mais une fille moche qui se plaît peut aussi faire bander tes Toffs. C'est pas sûr. Hein. Ouais. Si ouais. Toff, oui. Ah oui, moi, tout me fait bander, mais c'est un autre problème, moi. Mammouth, ça me fait bander, donc c'est pas pareil. Oh, quelle horreur. Même le roux, ça le fait bander. Évidemment, le roux, c'est ce qui me fait le plus bander. C'est ça, surtout le roux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous saviez qu'il existait la French Touch en chirurgie. Non, c'est quoi? C'est-à-dire, hein. Ben, en fait, donc, ouais, moi, au début, je croyais que c'était une nouvelle méthode de chirurgie, ou t'es des chirurgiens super doués en France. En fait, non, pas du tout. En fait, c'est un truc bien français qui veut que, en fait, tu fais de la chirurgie, mais tu veux pas que ça se voit. En fait, je comprends pas, c'est quoi l'intérêt de se faire charcuter comme une truie à la boucherie si c'est pour que ça se voit pas. Mais ça dépend, mais non, mais regarde par exemple, si tu te refais faire le nez, t'as envie que tout le monde croit. Mais non, mais t'as envie que tout le monde croit que c'est naturel. C'est un vrai nez. Si t'avais un nez comme une patate et qu'après t'as un petit nez tout fin, ça se voit. Mais ça va se voir pour ceux qui te connaissent déjà, mais pour les nouveaux. Non mais oui, mais c'est ça quand je dis ça, c'est des trucs, ça ne se voit pas. C'est genre t'as une petite imperfection, bah tu corriges. Ça c'est la French Touch. Par exemple, toi, tu pourrais faire la French Touch. Au niveau du nez. Non, mais non, moi, c'est pas la French Touch, c'est Bouygues que je devrais faire. Ravalement de façade, ouais. C'est, on y devrait y penser, tiens, pour son anniversaire ou quelque chose. Ouais. Ouais, ou pas. Ah, écoute, ce serait très gentil, hein. Il faut reconnaissant. Il bosse dans les pulls, Bouygues aussi, non? Il est bien, ce pull, arrêtez de me saouler. Ah non, il y a Aurélie qui est là, qui a 23 ans de Lille. Salut Aurélie. Salut tout le monde. Ça va bien? Salut. Bon. Ça ira. Tu voulais réagir, toi, par rapport à la chirurgie aussi ou pas? Bah, en fait, moi, j'ai un gros souci. Ouais. Ah, c'est quoi? C'est la chirurgie? Non, c'est parce qu'en fait, mon mec et puis beaucoup de potes, que ce soit à la fac ou n'importe où, en fait, ils trouvent que je suis une dinde plate. Une quoi? Une dinde plate. Ah, une dinde plate. Alors, oui, bah, j'aurais dit une planche à repasser, une planche à pain. Pourquoi pas juste plate? Pourquoi obligé de rajouter dinde? Je sais pas. C'est la période, c'est Noël, c'est pour ça. Techniquement, même si tu te refais faire quelque chose, tu resteras une dinde. Non, mais c'est pas méchant. Si on suit la logique des gars qui t'échambrent, oui. Et on est tous des dindes à l'origine, c'est pas faux. Non, mais c'est parce que t'as pas de sens et tout, c'est pour ça qu'ils t'appellent comme ça. Exactement. Et tu fais du combien? 85A. Ah oui, oui, bah oui. Et ça travaille vraiment, toi, ou pas? Bah, surtout niveau sexuellement, c'est pas du tout ça, quoi, parce que bon, il y a rien. Bah, déjà, pas de branlette espagnole, hein, ça c'est déjà banni. T'es limité, ouais. Ah non, là, c'est mort. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Soit à la mythe entre deux tétons. Mais... Je rappelle que le sein, il sert juste à alimenter le bébé à la base. Hein. Oui, oui. Bon, ça fait bien longtemps qu'il sert plus à ça. Hein. Ça fait bien longtemps que ça passe secondaire. Hein. Une bouche, ça sert à manger. Hein. Après, moi, je pense qu'il est important de voir le reste des proportions. Donc, combien mesures-tu? Bah, 1m61. Combien pèses-tu? 55 kilos. Oui, quel est ton tour de poitrine? Donc, on l'a dit, ouais, 85A. Hein, donc, que dalle. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah ouais, il est temps de te refaire faire les seins, hein. Je veux dire, c'est pas possible, tu peux pas rester dans cet état-là. Mais si tu veux, Toff peut faire un investissement, hein. Pas du tout, je parlerai des tarifs tout à l'heure. Ça coûte cher? Ah oulala. Ah d'accord, ok, bon, on en parle. Tu serais prêt à payer de la chirurgie à ta meuf pour qu'elle te plaise plus? Non, j'en prends une autre. Mickaël, le podcast. Donc Dorothée qui est de retour, hein. Elle sera en concert à l'Olympia les 17-18, et putain, le jour de mon anniversaire, le 19 avril. Ouais, ouais, ça c'est un cadeau. Tu parles, ah bah bel cadeau. Donc l'occasion de découvrir 15 de ses nouvelles chansons. Ah, c'est des nouvelles? Ah bah oui. Bah, il y aura les anciennes, bah, plus oui, 15 mix, nouvelles. Ah, il y aura un remix entre les vieilles. Donc nouvelles. 15 nouvelles plus les anciennes, c'est un long concert. Tu m'étonnes. Déjà que. On en aura pour notre argent. Oh là, oh, là. Oh, bah oui. Déjà que les anciennes c'était dur. Ah bah, c'est non, sûr. Attends, à l'époque, non, mais quand c'était... t'étais petit, c'était drôle, mais aujourd'hui, putain, ça a mais mal c'est un bon délire, c'est comme Chantal Goya quand elle va en boîte, elle cartonne. Capitaine Flamme, mec, tout le monde danse sur Capitaine Flamme. Mais pensez surtout aux parents qui doivent se taper ses chansons dans la bagnole, à la maison, tout le temps, quand le gamin a 6 ans. Ah, maintenant, je pense que c'est fini. Ouais, ils écoutent du Peura maintenant, les gamins de 6 ans. Bon, alors, petit blind test pour vérifier déjà pour. Déjà pour que les plus jeunes d'aujourd'hui, quand je dis les plus jeunes, c'est ceux qui ont en dessous de 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Minimum, ouais. Hein. Ouais. Minimum en dessous de 20 ans. Donc tous les fans de Tokyo Hotel déjà. Voilà, ouais. Et donc à l'époque, eh bien. On écoutait ça. On écoutait ça. Le premier qui a la bonne réponse, bien sûr, gagne un chocolat. Où est passé le soleil de l'été? Et la vallée, la machine à balai. Et où est donc le mois de mai? La vallée, la machine à balai. Qu'est-ce que j'avais dit que c'était naze? Alors Sandro, t'as pas trouvé le titre? Il y a un chocolat à gagner. La machine à balai? La machine à laver. La machine à balai. C'est du verlan. Ah, mais pourquoi ça s'appelle ça? Comme c'est la fin, c'est la vanne. La machine à laver, la machine à balai. Eh ouais, c'est drôle. Hein. Ah ouais, on était plein d'humour. C'est pas ça, c'est pas la machine à balai. Si, c'est ça, t'as gagné la machine à balai. Ouais, 1 pour Sandro. Allez, deuxième. Bim. C'est très techno. Ah ouais. Tectonique. Vous avez remarqué que... Ah, c'est des remixes, ça sent drôle. Mes chaussettes rouges et jaunes à petits points. La valise. La valise. Mais vous remarquez que c'est les bases de la tectonique qu'on n'entend plus parler. Mes chaussettes rouges et jaunes à petits points. J'y peux rien, c'est la chanson, elle s'appelle La valise, moi. Ah, c'est pas le titre, ah, hein, non, les gens, c'est le refrain. Ah, d'accord, ok, on passe pour des cons là. Bon, troisième extrait. Deux chocolats pour Sandro. Sandro, quoi? Monsieur l'ordinateur. Non, mais attends, c'est pas possible que tu connaisses ça. Bah, j'ai regardé Club Dorothée comme tout le monde. Non, mais c'est pas alors. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça non plus. Chut, chut, chut. Le Kilimanjaro. Ah, Non. C'est pas le Kilimanjaro? Non. Les neiges de l'Himalaya. Et t'as triché. C'est pas vrai, j'ai pas les réponses sous les yeux. Ça fait chier quand même. Hein. Non, ça fait chier quand il y a un con qui triche comme ça. C'est juste que si tu triches, toi, mais tu peux plus rien nous dire après. C'était juste pour vous faire une leçon. D'accord. Je voulais juste faire une leçon de vie, là. Tout simplement. Bon, cinquième extrait. Écoute bien, petit frère. La menteuse. Voilà, ah d'accord, attends, laisse le refrain. Et Sandro il connaît bien celle-là. C'est sa préférée. Franchement, on chantait tous ça à l'école. Non. La menteuse. C'est ça. Elle non. Est amoureuse. J'ai pas été la même école que toi, Roland. Ah, putain, mais tous. En France, Sandro, tu disais ça toi, une meuf. De quoi? Quand tu disais ouais, t'es amoureux de lui, elle disait non, tu disais ouh la menteuse, elle est amoureuse. C'était une mytho bouffonne. T'as vraiment eu une jeunesse aussi. Hein. J'ai un peu le roi, a vécu dans un HLM. Ah ta gueule. C'est pour ça qu'il a sombré après dans les boys bands. Hein. Bon allez, le blind test a été. C'est fini gagné déjà. Gagné haut la main par Sandro. Ah oh, bah boîte de chocolat là. Un chocolat. Ouais, oui c'est ça. C'est un chocolat par bonne réponse. Ah non, c'est celle qui gagne, c'est lui qui gagne le package complet. D'accord, bah donne-moi au moins mon chocolat c'est alors. Bon, faut que j'aille faire du change. Un Kinder Bueno quoi. Ouais voilà c'est ça. Oui. On fume encore quoi. Mais non, mais pourquoi il en fume? Si, il en fume. Ah oh, mais tu l'auras. Peut-être que nous on triche, mais toi tu passes ton temps à nous en fumer. Et je te rappelle que tu me dois un couille. C'est vrai. Ah bon alors très bien. On n'a pas arrêté hier date. Soir. Hein. C'était hier soir pour ceux qui à côté de Koé qui doit bouffer depuis au moins 3 mois. Ah ouais non mais t'inquiète pas, je lâche pas l'affaire non plus. Hein. Bon, c'est bien donc, qu'on le rappelle lui. Hein. Après ouais mais on va le rappeler, t'inquiète pas. Va. Bon et après ce petit blind test, on s'est dit que qu'est-ce que donneraient ces chansons aujourd'hui à Dorothée. Donc ça pourrait être pas mal d'en savoir un petit peu plus, de s'imaginer un petit peu ça. C'est ce grand concert qu'elle va faire à l'Olympia. Alors évidemment. Il n'y aurait plus le vieux synthé pourri, et ça c'est ce côté des sessions. Qu'est-ce qu'ils l'ont utilisé ça? Ah ouais, mais je crois que c'est le même que c'était Charlie Oleg, hein, qui devait faire un. Il a dû être payé pour le tournée manège de l'époque. Ouais, plus mais regarde, Dorothée, aujourd'hui hein. C'est comme Christophe Maé et sa guitare, hein, c'est pareil. Ça fait partie de leur patte, quoi. C'est vrai. Bon, après, en tout cas, ce serait plus évolué. Alors, on a essayé d'imaginer ce que donnerait Monsieur l'ordinateur, que Sandro a trouvé directement, quasiment. Hein. Pour ceux qui ne voient pas, donc ce que c'est, on réécoute. Non, je l'ai pas à l'original. Ah, tu l'as pas à l'original? Je suis désolé. Bon, c'était. Sandro, tu l'as chanté, hein, monsieur l'ordinateur. Comme ça, non, je ne saurais pas. Monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur, voilà. Je vous appelle. Ça va, ça ira. Dites-moi, dites-moi. Oui, non, ça ira. Pas la peine de me tabasser. Bon, ça va, tout de suite, les grands mots, là. Bon, eh bien, voilà ce que donnerait la chanson si elle devait sortir maintenant. C'est Dorothée. Hein. Non, ça c'est. Et c'est Ben qui a fait ça, il l'a c'est bien fait. Bien, ouais, ouais, il l'a bien fait. Hein. Surtout qu'il l'a fait en 3 minutes et demie, hein, je crois, un truc comme ça. Bon, ouais, mais Dorothée aussi l'original. Ça, c'est... Oui, oui. Non, écoute, c'est en tout cas, ça, c'est vrai, par contre. Je pense pas que Dorothée écoute, mais ça l'intéresse. Bien sûr, nous pouvons sans problème donner des conseils, il n'y a pas de problème. Siaro. Je voulais entendre le refrain. On l'a déjà entendu, non, peut-être? Ouais, je sais pas. Attends, il arrive. Là, ça c'est comme Pony Pony on Run, ça va mettre 10 ans à arriver. Ouais, ça c'est sûr, ça met 10 ans. Là, on y arrive. Ça là, c'est là, je crois. Voilà. Ah oui. Ah, c'est bien. Ah ouais, voilà. C'est Sandro qui aurait regardé. Regarde, le refrain comme ça est très bien aussi. Ouais, hein. Comme ça, ça a été parfait même. Bon, et sinon, pareil pour les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Donc ça, on l'a mis là de suite. Il est déjà très, très techno. Ouais. Il est déjà très tectonique. J'aime bien cette version. Hein. Et donc voilà ce que pourrait donner rouge et jaune à petits pois les chaussettes là, donc de Dorothée en 2009. Et là, c'est plutôt rêve parti là. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais dans une grosse rêve et qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Ce serait fort, mec. Ah, ce serait horrible. Hein. Ce serait de la transe. Quelle horreur! Non, je préfère celle-là. Hein. Ah, mais là, tu teins les cheveux de Dorothée en vert et c'est bon. Hein. Non, franchement, je préfère celle-là, hein, vraiment. Bon bref, toi, comme quoi on peut ressortir tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, mais si tu le veux, son nom, on peut la mettre dans pour ta voiture. Hein. Ah, c'est sympa. Les oui, versions remix, pardon, avec plaisir. Il y a pas de, ouais, y a pas de problème. T'ouvriras les fenêtres, tu mettras ça à fond. Bah, okay. Quand je te ramènerai chez toi, on fera ça. Il va se faire défoncer comme d'hab. Oui, ça fait 3 mois là qu'il se faisait plus taper sur la gueule. Tu rigoles ou quoi? Moi, je suis le parrain. t'es le filleul, ouais. Non. Le roux, il se fait raqueter à la sortie. Le parrain qui à l'époque sortait son chat en laisse en bas. Hein. Ouais. Allez, ah, le parrain de ouf. Allez bien qu'il voit un peu ce que c'était. Michael, le podcast. Le jeu des amis avec Marie-Caroline. Bonsoir. Salut Michel. Salut Marie-Caroline. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Bon, t'as pas bienvenue. La voix de ton prénom. Hein. Pourquoi? Moi, je sais pas. Je m'attendais à une voix un peu plus poète. Ouais, et là non. Ah non, bah non. Marie-Caroline, 17 ans, donc de Châtillon sur Chalaronne. Oui. Très joli. Très joli endroit. En tout cas, c'est un très beau nom. C'est très beau. Tu devrais y aller. Ouais. Bah, t'as déjà été? Oui, j'ai déjà été. On est d'accord. Foot là-bas. Je sais plus, je suis passé en vacances, je crois, en voiture. Non, tu pas de ma gueule, qu'est-ce que ça a été dû à part, tu pars pas en vacances à Châtillon sur Chalaronne. Si, je suis sûr que je suis déjà passé à Châtillon sur Chalaronne. Ah, bah, j'y suis allé, hein. Ah, toi aussi, Tex? Ouais, très bien. Tout le monde était là-bas, sauf moi, quoi. Ah, il va vous croquer. Ouais, bah, il a certainement croqué un cul là-bas, c'est peut-être pour ça qu'il a été, hein. C'est dans quel département, je vais te dire? Dans le 01, dans l'Ain. Ah non, j'ai pas croqué de cul. Ouais. Bon. Pourquoi tu fais une carte de France? Ouais. Ah, qui idiot. Avec des punaises. Avec des punaises, ouais, ça, putain, je mets des couleurs. Quand c'était un bon coup, je mets des rouges. Quand c'était un mauvais, je mets des verts. C'est ça, ouais. Et tu fournis tous les rouges à tes meufs? Les rouges. Bah, pour toi. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah bon, bah, alors, très bien. Tiens, bon. Je te donne une punaise quand je pars. Marie-Caroline, on va donc jouer au jeu des amis. On va appeler qui? Emmanuel, Gwenaëlle, Pauline. Gwenaëlle. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, on lui pose 10 questions. Si elle répond bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. 10 questions à ton sujet, bien évidemment, pour voir si elle te connaît réellement bien. Okay. On est sur allez. Une fille Gwenaëlle, ouais, c'est avec deux allos. Oui, enfin, c'est Micha hein, aussi. Allô. C'est pas faux. Allô, Gwen. Oui. Salut, Gwen, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Ça dérange pas? Salut. Ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Je t'appelle pour le jeu des amis avec Marie-Caroline qui est dans le standard là. On va te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Allez, attention. Oh, faut que tu répondes du tac au tac aussi, j'allais oublier de te le dire. Et si tu sais pas, tu passes et c'est donc considéré comme une mauvaise réponse. Stop, quelle est la destination? Ah pardon, excuse-moi Dex. Quelle est la destination de ces dernières vacances? Passe. Oh, c'était le plus beau pays du monde. Belgique? Non, le Portugal. Quel est le c'était dernier un des deux, de toute façon. C'était un des deux, de toute façon. Ouais. Non, je préfère le Portugal. Quel est le dernier livre qu'elle a lu? Les âmes vagabondes. Eh oui, bonne réponse. Oui, c'est ce qu'elle a répondu. Tout à fait. Quel est son dessert préféré? Les gâteaux aux fruits. Les fruits en général. Hein. Attends, pareil. Un gâteau, pareil. C'est pas la même chose, hein. Je suis confus. Quel est son style de musique? Pop rock. Pop rock, bonne réponse. D'accord. Ah oui. Quel est son lieu de sortie préféré? Bourg-en-Bresse. Non, le cinéma. Faut vraiment avoir pas de chance dans la vie pour que ton lieu préféré ça soit Bourg-en-Bresse. Quand t'habites à Châtillon sur Chalaronne. Ouais, mais quand tu y habites, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, quel est le nom de sa revue préférée? Oh, le drame. Jeune et jolie. Eh oui. Bien. Ah non, bah non, c'est pas bien, t'es, je peux pas te dire ça. Sur quelle star française est-elle en kiff? Ça fera plaisir, Auro. Passe. Non, Johan Gourcuff. Johan Gourcuff. Oh, ouais, mais ouais. C'est pas une star, c'est un footballeur. Ah oui, il gagne plus que certaines stars. Hein. Ouais. Je te le dis direct. Quel est son objet porte-bonheur? Un bracelet. Oui, un bracelet, bonne réponse. Quel est son style de film préféré quand elle va au ciné? Les comédies. Non, les films sentimentaux. Donc, on va dire, j'allais dire les pornos, mais c'est pareil. Voilà. Quelle est la personne qu'elle déteste le plus? Passe. Eh ben, c'était toi. Non, c'est pas vrai. Non, mais elle va te détester puisque tu as perdu. Oh, je suis désolée, Marie-Caroline. Et du coup, Marie-Caroline aussi, hein, 6 mauvaises réponses, 4 bonnes. Oh non. Eh oh, ouais, ça s'est joué un peu. Tu aurais bien répondu à celle-là, on aurait fait, hop, une petite, petite question bonus. Là, malheureusement, tu as mal répondu, donc c'est ce qu'on appelle un échec. Ouais, il faut mieux choisir gâteaux, tes amis la prochaine fois. Les gâteaux aux fruits et les fruits, c'est pareil. Ah non, bah non, les gâteaux. Mais non, c'est comme si tu dis j'aime bien la farine. Bah à ce moment-là, tout est bon. Ouais. Il y a de la farine dans le pain, il y a de la farine dans le gâteau, il y a de la farine dans tout. Donc non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Je ne peux pas. Non, ça c'est. Ah, je suis désolée, Marie-Caro. Ce serait de la triche que de te valider ça. Je suis. Mais je t'aime suis. Quand même. Je suis. Bah je t'en remercie. C'est bien gentil. Mais pourquoi si tu valides celle-là, c'est gagné? Ça fait 5-5, donc du coup, il va falloir reposer une question supplémentaire et tout, ouais, on n'est pas arrivé quoi. Bon, Marie-Caroline et Gwenaël, malheureusement, vous rentrez chez vous, les navires, je vous fais quand même des gros bisous, d'accord? Bonne salut les filles, okay, à bientôt. Salut. Allez, salut. Ciao à vous, bye bye. Bon, eh ben c'est pas grave, hein, si jamais vous voulez vous inscrire et jouer au jeu des amis, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez amis et votre numéro de téléphone. Au paquet de rêve, les gants, tout bien. Voilà, c'est du portugais. Merci messieurs. Bah je t'en prie Tex. Ciao, Tex. Et dans salut, Tex. Un quart d'heure c'est Pony Pony Run Run, le groupe pop rock techno électro, je sais pas très bien, Nantais qui sera avec nous. Et puis toujours DJ Hero hein, à choper les jeux vidéo avec la console au 612 en débutant par énergie, puis vous mettez Hero et votre numéro de téléphone. Bon Aurélie, pour revenir sur la chirurgie esthétique là, puisqu'on en avait parlé, Toff avait effectivement donné son point de vue là-dessus. Donné son point de vue puisqu'il était tombé là-dessus en une du journal de ce matin. Et je vous ai pas donné les tarifs encore. Hein, ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, Aurélie, ça pourrait t'intéresser comme t'as du 85A, Toff va te proposer les tarifs. Ouais, il peut faire ça lui-même. Pour la main d'œuvre, c'est moins cher. C'est parce que bon, il y a plus en plus de meufs qui sont enfin rendus compte que c'était des tons et donc qu'il était temps de faire quelque chose. Mais c'est pas pour ça que les tarifs ont baissé. Hein. Ouais. Alors, à votre avis, pour se faire poser des faux seins, un prix? Moi, je pense que ça dépend. Il y a une différence de taille. Genre, si tu mets, tu passes de A au B ou du A au B. Non, c'est pareil. En fait, c'est une augmentation d'un bonnet. Ah, d'un bonnet. La paire de seins. 3000 euros. La paire de 1500 euros la pièce. 1500 euros le sein, ouais. Donc tu peux dire, j'en fais qu'un seul. Oh non, ouais, non. Bah, ça dépend. Après, si t'as des problèmes de seins, ouais, tu peux faire qu'un seul, mais bon. Oui, non, mais bien sûr. Et à votre avis, pour un lifting, quel est le prix d'un lifting complet? Complet, c'est-à-dire de la tête, enfin, les oreilles, le nez. Ouais, les oreilles, le nez, on se retire tout. Je sais pas, on a le numéro de Sophie Favier, on peut lui demander. Non, on n'a pas le numéro. 1500, c'est non, mais t'es bête ou quoi? Si juste les seins, ça fait partie. Lifting complet, t'as les sacs. Non, c'est dedans. Le visage. Hein, non, c'est non, le visage. C'est que le visage. D'accord. Complet du visage. Je te dis le cul et tout, tu me dis oui. Ah non, j'avais. Non, pardon, c'est pas ça que j'avais compris. 1005. Ouais. 2000. Non, c'est plus, je pense. Entre 5000 et 10 000 euros selon la masse de travail du visage. Et ça calme. Alors, je m'étais dit pourquoi pas quand je serai vieille. N'importe quoi, mais tu vas pas. Là, aujourd'hui, c'est facile de dire non, je ferai jamais de lifting. Et puis quand t'arrives à 55 ans, je pense, 60, je sais pas, quel âge en fait. Il y en a qui vont se vexer là. Quoi? Parce que t'as donné un âge. Ouais, non, j'ai pas la valeur de l'âge. J'ai pas la valeur de l'âge. Ça paraît dire. Dire. Non, bah en tout cas, elle a pas celle de l'argent non plus. Hein. Non, mais tout cas, notre avis peut changer au cours de notre vie et ça fait cher le lifting. C'est vrai. Ça m'embête un peu. J'espère que les prix vont baisser. Écoute, t'inquiète pas. De toute façon, si avec un peu de chance d'ici là. Pour l'argent, tu te maries avec l'euro, tu seras blindé. Mais si tu veux faire moins cher, il y a des docteurs qui font ça pour beaucoup moins cher. Il y en a un notamment qui a défrayé la chronique, qui s'appelle le docteur Mort. Ouais, qui faisait ça dans sa baignoire, c'était horrible. Ah. Ouais, sinon, je voulais lancer un appel donc à toutes les 100 poitrines de France. Hein, faites quelque chose. Et donc, si vous avez peur de souffrir, eh bien, il y a enfin une vraie solution. Hein, c'est donc une injection par gel. Bon, ça fait pas mal et ça ne fait pas de cicatrice. Hein. Avec le gel, qui est bien droit. Voilà. Et en plus, ça nous fait bander. Bon, j'avoue, c'est un peu cher. Hein, quand même, 120 120€ les 10 ml de gel. Ah oui, donc t'es obligé de revenir tout le temps, quoi. Non, non, non, tu le fais qu'une fois, mais il faut 180 ml de gel par sein. Pour fait le calcul d'un seul bonnet, d'un seul bonnet. Non, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait. Attends, mais c'est quand ça doit être, de la merde, non? Ça fait genre un peu moins de 2400€ par sein. Ah d'accord, en fait c'est une autre alternative. Ouais, c'est moi, tu te fais pas opérer. Voilà, tu te fais pas opérer, tu te fais pas poser de truc, tu te fais juste injecter du gel dans les seins. Mais bon voilà, donc c'est un peu cher, hein, puisque donc il faut 180 ml de gel pour augmenter d'un seul bonnet. Mais bon, il n'y a pas de petite dépense, hein, pour une bonne branlette espagnole. Putain, ouais, mais quand même quoi. En plus, ça doit être dégueulasse, c'est du gel et tout dans les seins. Non, en fait, ça se voit pas. Oula. Ça se voit pas et ça s'incruste dans la graisse en fait. Donc c'est-à-dire ça gonfle ta graisse et donc c'est ça qui fait que tes seins sont plus importants. Non, en tout cas, les prix ont vachement baissé par rapport à il y a 10 ans. Mais ça, il y en a plus en plus qui le font. Donc c'est normal. Non mais c'est normal. C'est vrai. Bon, bougez pas, on va revenir. Aurélie, avec toi dans un instant, comme promis, mais donc tu connais le tarif, ça va peut-être pouvoir t'intéresser, Aurélie, de te refaire les seins. Ah bah oui, complètement. Ah bah oui, j'ai envie de te dire que c'est clair et net, ça, que ça va m'intéresser. Bon, elle a pas besoin, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a une taille mannequin au final. On peut pas tout avoir, hein. Ouais, mais elle est grande et fine. Elle peut mettre tout ce qu'elle veut, elle se rend pas compte. Ouais. Non, elle peut déjà pas mettre de soutien-gorge. Ni de robe. Si, oui, elle peut se mettre des trucs et très vite ça fait que ça fera classe sur elle. Oui, oui, c'est même vrai. En basket, elle fera classe. C'est vrai, c'est vrai. Moi, en basket, je ressemble à Pikachu. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que toi, t'es une naine. On peut pas tout avoir. Moi, je crois t'es petite. C'est les boutons qui faisaient ça. J'ai les seins, mais je suis petite. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, du coup, forcément, ça fait un mètre cube. Pourri Pikachu. Pourri Pikachu. Mickaël, le podcast. Bon, maintenant qu'on a eu les tarifs, là, on va pouvoir parler avec Aurélie maintenant, qui nous appelle en fait parce qu'elle a 23 ans. Elle est de Lille. Elle fait du 85A. Et puis, son mec et surtout ses potes lui font la marque. Alors, c'est quoi Dan Platt, c'est ça? Dan Platt. Exactement. C'était ça. C'est tellement glamour, plat. Tellement mignon. Bah t'as qu'à leur dire, hein, voilà, 3000€, moi j'ai une nouvelle paire de seins. De liche. Ouais, ils font un investissement. Ouais, c'est pas faux, mais bon. Et pour 2500€ par sein, ça a l'air naturel. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, il y a Mathilde aussi qui est là maintenant, 18 ans du 33. Salut Mathilde. Salut. Comment vas-tu? Salut. Ça va et toi? Bah écoute, ça va bien, ouais. T'as le même problème toi qu'Aurélie ou t'as une solution ou t'as un autre problème? Non, moi j'ai un autre problème en fait, j'ai une tache de naissance un peu sous la face droite, mais... sur la face droite, toi. Oh, conne de toi, putain de tache, merde. Mais en fait, c'est pas une tache de naissance marron, elle est un peu rose clair, et ça fait un peu comme une bosse en fait. Alors, pourquoi tu mets pas du dissolvant? Ah, enfin, c'est de la scie chlorhydrique. Ouais, c'est ça. Mais de la scie, tu vas voir, ça va être pratique, dis donc. Ça va être super bien. Non, mais sérieusement, c'est grand. Ça ressemble à quel, c'est quoi comme taille? C'est pas super grand, mais en fait, c'est vrai que moi, je le remarque et moi, ça m'énerve. Ça devient complexe, quoi. Par rapport à un stylo bic, le capuchon d'un stylo bic, c'est plus grand ou plus petit? Mais toi, t'as des échelles un bizarres. Un peu plus lent et un peu plus large. Et par un rapport au long, reste de ton un corps, un peu plus large. Hein, combien mesures-tu? Alors, c'est la taille plus d'une pince à épiler. Oui, de 3 stylos bic. 3 stylos bic ou 3 stylos bic? Ça fait à peu près une pièce de bouchon. Pièce... Bouge 3 bouchons. Une pièce de 2 euros, quoi. Une pièce de 2 euros, à peu près, c'est ça, hein? Ouais, à peu près. Ah, ouais. À glace. Ouais. Ouais, donc non, moi, je voulais savoir combien mesures-tu? 1m75. Combien pèses-tu? 49 kilos. Ah, il faut manger maintenant. Quel est ton tour de poitrine? 85C. D'accord, la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Et tu n'as même pas 36. Le... Ouais, bah, tu n'as pas le même problème qu'Aurélie, hein. Ouais, je pense que la tâche n'a pas d'importance, hein. C'est pas ça que les mecs vont regarder. Est-ce qu'elle est en relief, ton truc sur le cul, là? Pardon? C'est en relief ou pas? Un petit peu, en fait, c'est ça qui me dérange surtout. Ah oui, oui, moi ça dérange aussi. En fait, t'as une troisième fesse, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des poils dessus? Attends. Aïe, pas des poils, tu sais, genre deux. Ouais, c'est deux longs poils qui sortent et qui viennent bien dur. Ouais. Et donc toi, tu veux te faire enlever ça? Mais oui. Alors évidemment, donc Toff, un grand spécialiste, par exemple, pourrait. Bien sûr, je pourrais t'opérer personnellement avec mon scalpel personnel. Bon, attends, Mathilde, on va demander aux autres, tiens, si ils ont une idée de tarifs ou comment ça se passe ou comment ça marche ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement. 612, vous le dites. Hein, débutez votre message par énergie ou sur mikl.fm. On parlait de Dorothée aussi tout à l'heure. Oui. Hein. Le grand retour du club Dorothée, enfin pas du club Dorothée, mais de Dorothée du club Dorothée en concert aux Zénith. Bonne nouvelle. Ouais, Bercy, j'oublie même. Non, c'est à l'Olympia. L'Olympia. C'est presque l'Olympia. Pareil. Bon, non, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà 3500 personnes, je crois, l'Olympia. Je te confirme, c'est pas mal du tout, effectivement. Donc, On s'est dit que ça devait changer un petit peu. Elle allait pas faire la même chose. Puisque avant les dessins animés c'était Albator, Hélène et les garçons. Et là, vu comment les choses évoluent, c'est plus les chiennes et les bastons. En tout cas. Donc on a essayé d'imaginer en fait ce que ça pouvait donner maintenant le Club Dorothée. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés il y a 15 ans. Ouais, il y a 15 ans, le Club Dorothée, ça ressemblait à ça. Tu peux prêter ta voiture, s'il te plaît? D'accord. Alors les enfants, on continue? Ouais. Alors maintenant, c'est l'heure de votre dessin animé préféré. Je sais que vous l'attendez tous avec impatience. C'est Candy. Candy, Candy. Bravo Candy. Les enfants. On signale quand même que cet épisode est un peu violent puisqu'aujourd'hui Candy va être moqué par ses camarades de l'orphelinat à cause de toutes ses taches de rousseur. Oh. Et les méchantes petites pèses vont même aller jusqu'à lui couper une mèche de cheveux pendant son sommeil. Le CSA interdit donc de regarder à tous les enfants de moins de 12 ans. Âme sensible s'abstenir. Allez, c'est parti les lapinous. Candy, maintenant dans le Club Dorothée, tous à vos sucettes. Donc ça ressemble à ça il y a 15 ouais. ans. Alors il y a 15 ans, ouais, effectivement, c'était ça. Bah voilà, on a trouvé la relève. Eh, franchement, tu pourrais aller hein, sur Gulli. Ah mais moi je le fais. Ah ouais, si c'est payé, je m'en bats les couilles. Ah, ouais, ou sur Canal J. Ah mais ça c'est une super chaîne de ouf. Ah ouais, ah, une super chaîne. Je suis peut-être un peu emballé. En fait, c'est notre Dorothée. Dorothée, ouais. Donc c'est c'était ça, comme ouais. ça à l'époque. Voilà. Voilà. Et bon. Qu'est-ce que ça pourrait donner aujourd'hui en 2009, quoi. Voilà, parce que les gamins ont un peu Allez, évolué. En 2010. Voilà. Eh hey, mais vas-y toi, donne-moi ton phone, je te dis. Va te faire foutre, t'as qu'à t'en acheter un, salope. Les enfants, on peut continuer? Ta gueule, pétasse. Super. Alors maintenant, on va mater une pure tuerie. C'est le film d'animation 3D numéro 1 des téléchargements sur le net. C'est... C'est bon, on joue pas aux devinettes, vas-y, balance. C'est Goldocrack. Aujourd'hui, Goldocrack, le robot dealer venu d'ailleurs, va se faire péta par les keufs en bas de sa tessie. Oh merde la pute, la lispo, eh. Mais heureusement, il a toujours une tétaille de Jack Daniel sur lui. Alors il va l'exploser sur la gueule du brigadier, ce bâtard. Ouais. Après, il va prendre la stagiaire, il va la défourailler dans la cellule, il va carrément lui mettre son fulgur au poing dans la chatte. Oh. Vas-y, Goldocrack, nique-la. En plus, le CSA ne signale aucune restriction d'âge particulière. C'est le moment de se lâcher. Ouais. Allez les têtes de gland, c'est parti pour Goldocrack. Maintenant dans le gang Dorothée, faites péter le bédo. Voilà ce que ça pourrait donner aujourd'hui si ça existait. C'est pas mal non plus hein. Le gang Dorothée. Ouais, le gang Dorothée. Le gang Dorothée, ouais. C'est pas mal, c'est moi, le concept. Je préférerais, hein. Ouais, oui, bah oui, contrairement, le contraire m'aurait étonné. Oh, c'est plus drôle. Oui, bah oui, bah t'iras faire ça sur Canal Shit. je suis sûr qu'il serait preneur, hein, clairement, ouais. Mickaël, le podcast. Ce soir, on reçoit un groupe de rock, dance, punk, sur Wikipédia, on sait pas très bien. Français en tout cas, avec un nom improbable, hein, Pony Pony Run Run. Gaëtan, Amel et Antonin, comment ça va les gars? Ça va très bien. En pleine forme? Bah comme d'habitude. Bon, alors rock, dance, punk, rock, punk, dance, punk. Électro. Que dire de plus? Ouais, techno, acide, trans aussi, je crois. Ok, d'accord. Bon, ben un petit peu tout, alors très bien. Alors avant de commencer l'interview, enfin me faire une confession, vous aviez fumé un truc quand vous avez dit, alors, on va appeler Pony Pony Run Run. Mais on a un groupe très très très très très très sain. Ah bah écoute, voilà. C'est pas ce que j'ai entendu dire moi. Moi non plus, mais on peut défendre un peu et démentir quoi. Ah d'accord. Bon alors comment c'est, d'où c'est venu? Parce qu'on a dû vous la poser 100 fois, mais bon malgré tout je suis quand même curieux. C'est en fait une révélation vraiment, c'est qu'il n'y a pas d'explication, si ce n'est qu'on est, comment dire, pas fan de Talk Talk ou Duran Duran ou Wet Wet Wet quoi. Mais ouais. Moi j'ai toujours un truc à dire, c'est que si tu sais pas pourquoi, enfin moi je sais pas pourquoi on a appelé ce groupe comme ça, mais tu peux demander à Wet Wet Wet pourquoi ils ont appelé leur groupe ça, je suis comme d'accord. Ça, ils ont eu au moins 20 ans pour y penser et pas nous. Il y avait aussi les pubs Juvamine je crois. Ouais. C'est toute la répétition, les pubs qui passaient vers Noël où ils répétaient trois fois la même pub. Ça aussi c'est un truc. Si Juvamine, je vais bien. Voilà, ouais. tu vois finalement c'est, voilà. Parce que pour les animateurs radio c'est chiant, hein, je vous le dis directement. Pony Pony Run Run. C'est pas que chiant pour les animateurs radio en fait. Voilà. Après ça se retient facilement, ça c'est le côté facile, enfin facilement, on se dit tiens c'est quand même original malgré tout. Mais bon pour ceux qui ne sauraient pas, donc vous êtes tous originaires de Nantes, ouais. Et puis vous êtes rencontrés aux Beaux-Arts, c'est beau. C'est beau. Ah oui, c'est joli. Comment on espère vous... que vous n'êtes pas fan de foot par contre. Ouais. Et on n'est pas fan de foot, ça va. Alors. D'accord, ok. Bon comment est-ce que vous êtes passé de la peinture à la musique? Alors, ça reste de l'art dans les deux cas, mais. Bah, exactement, et puis je pense qu'on était tous les trois de piètres peintres. Ah. Au moins, par contre, on était des bons artistes. Mais, niveau peinture, c'était pas trop ça. Quoi. D'accord, ok. Non, mais à la base, vous êtes chacun faisait de la musique dans son coin, et puis vous êtes retrouvés. Vous êtes dit tiens, on va essayer de. En fait, voilà. Donc, dans le groupe, on est deux frangins, Amel et moi. Et on a fait de la musique quand on était gamins ensemble, enfin au collège, ouais, au lycée. Pipo, quoi. Pardon, du pipeau quoi. Oui, du pipeau, ouais. Comme tout le monde en fait. En 6ème on a fait du pipeau et plutôt pas mal. Et on s'est dit il y a une vocation quand même, lâche pas le truc. Non et après donc on a tous mis de côté nos pratiques musicales au profit de nos études en fait, les Beaux-Arts. Et en fait pendant le cursus des Beaux-Arts, on est revenu naturellement à la musique. D'accord. Parce que vous faisiez chier aux Beaux-Arts. Ouais. Comme tout le monde. Bah, c'est ça, en fait. Hein. Ça fait bien de dire de le faire, ouais, mais après, il faut vouloir, quoi. Alors, ce qui est original aussi, dans votre parcours, c'est que vous avez enregistré, l'album alors que vous remplissiez déjà les salles de concert. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai eu, oui, dire, en tout cas. Après, vous me dites, hein. C'est vrai qu'au bout du cinquième Zénith consécutif à Paris, on s'est dit, il faut faire un album. Non, mais ça pouvait des petites salles quand même. Enfin, elles étaient quand même pleines, donc ça fait plaisir. On a fait beaucoup de tournées, en fait, avant de faire l'album. On a fait à peu près 150 dates. Puis 150, c'est peut-être 137, ou je sais pas. Exactement, mais à travers l'Europe, du coup, voilà. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il serait peut-être pas mal d'avoir quelque chose à défendre plutôt que de faire des concerts pour les concerts. D'accord, mais c'est parce qu'il n'y a aucune maison de disque au début qui dit non, c'est pourri, allez vous faire foutre. Et puis au final, vous êtes arrivé en disant, regardez, tout est rempli, donc il y a un moment qui est le con dans l'histoire. Le truc, c'est, je pense que ça s'est passé naturellement. On n'avait pas envie de faire d'album, en fait, avant qu'on nous propose d'en faire un, en fait. C'est tombé pile poil au bon moment, au bout de 3 ans de fatigue. Oui, restant un groupe très sain quand même, voilà. Enfin, vous aviez du Red Bull, Coca. Oui, Red Bull. Coca-Cola, hein. Parce qu'en fait, moi j'ai un ami qui est fan de votre musique et qui me dit l'avantage qu'ils ont, c'est que souvent ils font des premières, enfin c'est des scènes partagées, on va dire. Donc ils font la première partie et pendant que les DJ mixent la deuxième partie, ils se mettent minables. Ils connaissent vraiment. Visiblement des bons des bons renseignements, hein. On dirait bien que oui. Bon, est-ce que vous avez dans l'idée de faire comme Phoenix qu'on a reçu il y a quelques semaines, de vous lancer dans la musique dans la BO de film par exemple? Ben pourquoi pas, si on a des opportunités, mais c'est vrai qu'on sort pas encore avec une grande réalisatrice, donc l'histoire. Oui, d'accord, ok, ceci explique cela. Très bien, d'accord, ok. Il va falloir s'y mettre les gars, hein. Oui, il va falloir essayer, ouais. Dans une interview, vous avez dit aussi que vous avez grandi avec la musique qui était diffusée à la radio dans les années 90. Ouais. Et bah forcément nous aussi. Donc vous écoutiez tous la musique des années 90, fans tous ou juste un? Tous, en fait, c'est notre culture. Enfin, toi, quand on a commencé à avoir une démarche consciente d'acheter un disque, c'est ce qu'on écoutait à la radio, et c'était dans les années 90, donc c'était autant Corona que Nirvana, enfin tu vois, tout ce qui finit en A, en tout cas. Voilà, tout était mélangé, même il y avait du hip-hop, enfin. Notre culture, elle est aussi variée que la radio dans les années 90, donc c'est un bon bordel. Et alors, vous dites aussi des trucs bons, mais aussi des trucs un peu choquants. Alors, c'est quoi Corona? Corona. Moi, j'ai intégré Corona, j'adore Corona, mais après, ça peut être choquant peut-être pour Amel, ou je sais pas. Non, ça peut. Ça peut, ouais. Ça dépend. C'est le genre de. Moi, je revendique à mort ce truc-là, donc pour moi, c'est vraiment une. Parce que les deux autres sont en train de donner coups de pied, ils ont dit qu'est-ce que tu racontes comme truc de merde, la Corona, bordel. Encore Nirvana, tu vois, c'est encore le côté, tu sais, le mec s'est suicidé, quoi. La classe. C'est la Corona aussi, mais artistiquement, quoi. Ouais. C'est différent. On va vérifier. C'est plus noble. Ouais. On va vérifier si vous connaissez encore les titres des chansons qui cartonnaient dans les années 90. Ah, cool. Alors attention, petit blind taste, 90s. Avec le move it de Rick, non. No Limit. Ah ouais, No Limit, Too Unlimited. Oh, quel gros nul. Pourtant, il a dit direct, avec le move it. Ah bah non. Ouais, mais en même temps, ils se ressemblent tous. Si c'est honteux de pas savoir, en fait. Ouais. À la limite, c'est peut-être mieux de pas savoir. C'était sur une compilation du Quick restaurant, là, tu vois. Ah, quelle horreur, le Quick. Ouais, c'est à l'époque, t'avais un hamburger et t'avais un CD. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, aujourd'hui, c'est fini, attends, maintenant. Attends, les gars passaient quand même au Hit Machine, hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément une référence, mais bon, à l'époque, c'était bien. Bon, deuxième. C'est lequel où il y avait un mec avec une canne, là, qui dansait? Real to Real, j'avais oublié que ça existait, ce truc. Enfin, que ça existait. Bon, deuxième. Yeah. Facile. Oh, what up, this is Dr. Dre. Bon, ah bah, okay. Ouais. Dit, non, le titre. On a dit les titres, hein. On a dit qu'on cherchait Thank les God titres. God, ça serait plutôt Antonin de répondre. Ouais, mais t'as tout cramé. J'ai honte pour le premier. Ah. Il va dire le titre. Ah, Keep the Dr. Dre avec Keep the Hands Ringing. Ça passe aussi, ouais. Ils ont fait les Beaux-Arts, pas une fac d'anglais. C'est vrai. Bah, comment dire le titre alors? Keep the Hands Ringing. Ouais. Bon, allez, troisième. Bon, Scatman's World. Dégueulasse. C'était Scatman's World ou c'est Scatman. Ouais, moi je préfère l'autre, en fait. Quand on a un doute, faut dire pipi. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas nés, car oui, il y en a, c'est là qu'on se prend un coup de vieux. Mais c'était fort, hein. Le mec est mort aujourd'hui, hein, comme Nirvana. Il était archi vieux avec sa grosse moustache. Super vieux. Mais c'est dur ce qu'il fait, hein, franchement. Oui, je suis pas contraire. Il y avait une controverse à savoir s'il savait vraiment le faire, en fait. Comme Jordi, si c'était vraiment sa voix. Parce que le mec était bègue, il faut le rappeler. Bon, allez, quatrième. Ah putain, j'aurais bien écouté jusqu'au bout. T'as un iPhone, mets-le dedans. Celui-là, je pense qu'il va tomber en une seconde. Ouais. Nirvana, non? Ouais. Mais quel titre? Bah, attends, école, il y a juste titre. Rape Me? Mais exactement, ouais. Ah, il est merci. Lui, il sera pas passé au Hit Machine. Hein. Non, bah, non, c'est sûr, bah, non, malheureusement, non, c'était pas possible. Cinquième. Ça envoie ça. Ah, oh, c'est horrible. Oh, c'est bon ça. Le casque, hein. Attends un petit peu. On fait du vrai plaisir. Genre Alarma, quelque chose. C'est un truc dégueulasse, genre le Pupi Drag Queen, un truc comme ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est le Pupi Drag Queen, c'est quoi Sister Queen avec Sister Lady Media Drag Queen. Ah, c'est horrible. Par contre, des merdes comme ça, vous le trouvez difficilement, donc du coup, on est obligé de le laisser longtemps, alors que Nirvana, vous l'avez flingué après le début, donc... C'est dur ça. Alors, où était fan quand il est au Queen. Toutes ces merdes, j'adorais. Hein. Attends, avec sa petite tenue en cuir rose. C'est ça, ouais. Allez, septième. Ok, alors ça, c'est Pump Up de Jam. Pump Up the Jam, ouais. Pump Up the Jam. Pump Up the Jam. Le tout, c'est de mal prononcer les... Ouais, Pump Up the Jam. Technotronic. Technotronic. Ah ouais, ça, c'est hyper bien. Tout voilà. Technotronic, maintenant, faut vraiment réécouter, parce que c'est vraiment excellent. Ah oui, c'est même pas de la blague. Hein. Ah, ça existe encore aujourd'hui? Oui, enfin, ils sont encore vivants, pas tous morts, en tout cas. D'accord. Et non, ouais, l'Asie qui est vraiment bien. C'est surtout archi-samplé par pas mal de DJs. Oui, ça aussi. Ouais, bon, allez, neuvième. Ah oui, oui, oui, oui, oh, attends. Snoopy. Non, c'est quoi, c'est parce que moi ça j'ai dansé là-dessus à mort. J'ai emballé des gonzesses là-dessus. Moi. Et donc, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas nés, donc c'est comme ça toute la chanson. Comment il s'appelle la chanson? L'artiste? Ouais. WinX. WinX. Oh, bah, non, c'est un obscur. Don't Love. Allez, le dernier. Ok, sur Weekman de 20 Fingers. Ouais. C'était l'hymne de Toff à l'époque. Moi je trouve qu'il l'est toujours. Il manque quand même une pierre angulaire, c'est Robert Miles. Ouais, ah oui, Children. Children, voilà, c'est de la dream, les gars, c'est pas de la dance. Il manque aussi Indra, je suis désolé. Indra, ouais. Il y avait aussi. Et Dana Dawson. Et Sabrina. Ouais, non, mais ça c'était les années 80, ça, non? 80, ouais, Sabrina plus. Bon, bah très bien, bon blind test au final des années 90. À part le Don't Love Winix. Winix, quoi. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas eu que ça. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout connu les années 90, il n'y a pas que ce genre de merde. Il y avait aussi effectivement du bon rock, du bon grunge. C'était ça, c'était la confrontation du grunge et de la dance. Et de la merde, t'as hésité. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, sur votre album, il y a une version acoustique aussi de Music Sounds Better With You. Très sympa d'ailleurs. Vous pouvez faire un petit bout là comme ça. Ouais, alors je sais que t'as un peu galère au niveau de la voix, mais. On aime bien mettre les artistes un peu dans la merde. Un peu dans la merde, un petit peu, ouais. Non, mais c'est parce qu'elle est bien. En acapella, ça va juste être l'enfer. Déjà qu'en plus, la version sur l'album, elle est hyper économique, c'est guitare chant. Ouais. S'il y a même pas de guitare, il reste quoi là. Sachant qu'il y a même pas de paroles dans cette chanson, faut se rappeler qu'il y a juste un frein qui tourne en boucle. Ah oui, c'est vrai, c'est Music Sounds Better With You. Tu vois, bien. Voilà, c'est fait. Terminé, l'affaire est faite. Bon, bah, tu vas nous chanter vraiment une vraie chanson maintenant, alors. Puisque tu viens de nous dire. Scatman, je peux te le faire, moi. Ah, bah, pas de problème. Tu t'engages. Attends, j'y vais. Ah bah, Scatman's World, voilà, je viens de vous annoncer Pony Pony Run Run. Avec autant d'injustice. Voilà, le groupe est mort, annule toutes ses prochaines. C'est fini. Toutes ses dates, hein. Ça y est, ils sont enterrés tout seuls maintenant, dis donc. Hein. Ah, parce que normalement, en fait, vous êtes censé venir en radio pour donner envie aux gens de faire concert, non? Ah, mais faut pas nous lancer sur des trucs comme ça aussi. Vous êtes partiellement responsable. Mickaël, le podcast. Bon, désolé les gars, quand vous voulez pour le live maintenant de Pony Pony Run Run et You. Take my time today, it's not easy game. Many sides, it's needed to say so. It's not easy, baby, crossing lines. Don't let me feel this way, red dredge in my eyes. Well, darling, I'm so sorry to take my time today. Let me take my time today. I wish I was young enough. Wish you were made just for me. I wish I was young enough. Wish you were made. I will have to go. Oh, oh, oh. And I will have to do so. Hey, you. time is not an easy game. Many sights to see if I say so. And it's not an easy baby sign. No times, what do you think it is? It's shy, shy, it's too shy. Well, darling, I'm so sorry. Take my time today. Let me find a way to take my time today. I wish I was young enough. Wish you were a made just for me. I wish I was young enough. Wish you were made just. Hey, yeah. Now you'll have to go. Oh, now you'll have to do so. Hey, yeah. Now you'll have to go. Oh, avec AU sur Énergie et bah très bien, mieux que Music Sounds Better With You et Scatman. Hein. Non. Encore Scatman, c'est quand même vachement mieux. Non, mais il essaie, j'essaie de le sortir de son trou, faites rien les gars. Je me dis quand même qu'il faut l'assumer ce putain de truc. Scatman. Mais en fait, moi je l'assume presque parce que je l'ai passé dans une soirée il y a peu de temps et tout le monde était fou quoi. Je crois que c'est la chanson des gens qui n'ont pas de goût quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont pas de goût. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est... Est-ce que donc prochain album à la place de la reprise Music Sounds Better With You, tu mettras Scatman? Bah écoute, t'essaies de m'en dissuader, mais je crois que c'est quand même une bonne piste. Ah ouais? Bon bah écoute, très bien. Ah, ça serait vraiment marrant. Ouais, bah remixer, oui. Je suis pas sûr que la maison de disque kiffe. Moi non plus. En fait. Mais... en acoustique, alors. Ça peut être sympa. Ça va, ça me rassure. Bon, on savait déjà que ça a marché bien pour vous en France, puisque bah, pratiquement toutes les dates que vous aviez fait et que vous allez faire sont complètes. Mais ça se passe aussi pas mal à l'étranger. Vous avez fait la première partie de Katy Perry? Carrément, avec Glasgow en fait. Elle nous avait proposé déjà en début d'année de faire sa première partie aux États-Unis. On pouvait pas parce qu'on était en studio pour l'album avec pas Scatman dessus. Et du coup, elle nous a recontacté à fin de l'été pour qu'on fasse la première date de sa tournée européenne. Et puis nous, après, on a notre propre tournée qui tombait, donc on a fait juste une date ensemble à Glasgow et c'était vraiment hyper sympa. D'accord, ils allaient faire une tournée mondiale aussi ou pas? Oui, bah oui, bien sûr. Oui, bah tant qu'à faire. Une date prévue en Australie, en Hong Kong. Là, très prochaine. Bah après-demain, on est à Barcelone, je crois, ou je sais plus quand. Sinon, je sais pas. Après-demain. Ouais, bon, bref, après, on part aussi, je sais pas, on va à Beyrouth apparemment en fin d'année. À si Beyrouth, c'est bon. On va faire le 1er janvier là-bas. On va un peu en Hollande, on va un peu à droite à gauche, ou en Angleterre. Enfin, tout commence un petit peu là. C'est vrai que là, on est plutôt en France parce que la tournée. Il y a beaucoup de choses à faire en France déjà. Oui, bah c'est ça. On donnera le date de la tournée d'ailleurs tout à l'heure. Enfin, voilà. C'est celle qui reste. Bon, elles ne sont pas complètes, donc on va dire que ça sera très rapide. Mais on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de tournée mondiale, justement, Gaëtan, t'as dit que le meilleur concert du groupe, c'était à Cracovie, en Pologne. Mmh. Il s'est passé un truc en particulier. Oui, mais malheureusement, on peut plus en parler. Hein, c'est les polonaises. Si, Cracovie, on peut toujours en parler. Et même moi, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'est pour ça que c'était une super soirée. Non, mais en fait, c'est une super soirée. Les meilleures soirées, c'est toujours celle dont on ne se rappelle pas. Ouais. En fait, sans vraiment, c'est de quoi elle parle. Hein. Il y a juste un truc qui s'est passé. En fait, donc la soirée était géniale. Le public était mortel, il chantait, il y avait des tambours, hein, c'était n'importe quoi. Et donc après on a fait la fête, sans alcool bien sûr. Bien sûr. Et après on a été se coucher à 7-8 du mat, donc pas trop tard finalement. Et dans notre hôtel, on s'est tout fait voler pendant qu'on dormait. Même Antonin s'est fait voler des trucs dans ses poches sur le fut qu'il avait sur lui. Après, donc, et pourtant, j'avais bu avec modération. C'est qui, le coca à outrance, c'est pas bon du tout. Et donc, du coup, tu vois, on s'est retrouvé le lendemain. Bah, vous avez vraiment dû rentrer dans un état. Une demi-heure plus tard, on était chez les flics en Pologne à faire une déclaration. Oh là là. On pouvait plus sortir du pays parce que c'était pas Schengen. Bah, tu vois, et c'était, ah, vous avez plus vos papiers? Ben, on était tout fait avec une gueule de bois avec modération le lendemain matin. Surtout chez les flics. Surtout chez les flics. Rentrer comment? Bah on a pris la voiture, on nous a piqué les clés avant. Ouais, enfin, en Pologne ils sont pas assez prêts, je pense. Non, non, oui, c'est vrai. Moi je sais que le soir d'avant, quand je suis allé retirer, j'avais pas fait la conversion, donc j'ai mis ma carte et puis j'ai regardé un gros chiffre et puis j'ai fait tiens, je vais prendre ça. Je savais pas à quoi ça équivalait, donc j'ai pu boire beaucoup d'eau de vodka avec ça. Mais non, pas de vodka. Coca. Voilà, c'est parce que c'est pas de marque. Ça se dit vodka en Pologne, le coca. Ouais, ouais, c'est ça. Ça. Non, et l'eau aussi, ça se dit vodka. Et ouais, tout se dit vodka d'ailleurs. Bah, tous les liquides, c'est vodka là-bas. Bon, et comme vous ne parlez pas souvent de vous en interview, en tout cas, ça m'a pas frappé. On va faire un petit questionnaire révélation pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Donc, alors, interrogatoire. Donc vous pouvez... Putain, Derek quoi. Ça y va là. On aurait pu faire autre chose quand même. Je suis un super fan moi. Vous... Ah bah écoute. Ah putain, tous les trucs pourris. Voilà, bah j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, Pony Pony Run Run vient de se tirer une deuxième balle dans le pied. Hein, ça y est, moi, je suis tout maintenant. Seul, les autres ils valent le coup. Hein. Ah bon, d'accord, on va encore heureux. Bon, donc vous pouvez ni mentir, ni esquiver la question, lever la main droite et dire je jure. C'est impératif. Je jure. C'est impératif. Lever la main gauche. Ah, par contre, tout le monde n'a pas la main. Vraiment. C'est bizarre. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de plus dégueulasse dans votre vie? Bah, il s'en rappelle pas, j'imagine. Bah, demande aux Polonais à Cracovie. Ouais, il a mélangé la vodka et la bière dans un même verre. La vodka et la bière dans un même verre. Mais allez, on va tester. Il y a pire. Et oui. Bah, le roux, évidemment. Hein, il y a pire. Il y a par exemple, je prends toujours Calimucho. Au hasard. Le roux, tu par connais exemple. Le Calimucho. Oui. C'est très bon. C'est une boisson de pauvre, mais c'est très bon. De pauvre. Si, ça tu prends la piquette et du coca. Piquette coca, c'est sympa. D'accord. Parce que le roux, par exemple, lui, comme truc dégueulasse, a déjà pissé sur une meuf et pissé dans son sac. C'est vrai? Dans son sac à dos, oui. Comment, pourquoi? Pour le même problème que vous à Cracovie. Ah, ouais. Mais c'était pas la même soirée que nous, c'est ça. Ouais. Pas loin. Oui, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Non, pas ça doit pas arriver. Mais je me rappelle plus non plus. Bah, donc, oui, mais encore heureux, il manquerait plus que ça. Tiens. J'ai vu le résultat sur mon sac à dos le lendemain matin. Et l'odeur. Bah, l'odeur, j'hésitais. Et parce qu'en plus, il a pissé sur Sandro. Ah bah dis donc. Ah ouais. Bah c'est propre tout ça. Il était là, il faisait son affaire. Il était à la cool, quoi. Bon, de quoi vous avez le plus honte? D'Antonin. J'allais dire, la soirée à Cracovie. Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais souvent, je crois que je me mets dans des états un peu spéciaux quand j'ai bu modérément. Bon, je sais pas. Justement, je sais plus. Une nouvelle forme de super-héros. Mais après, on sait pas vraiment quel est son but, qu'est-ce qu'il défend et comment il le fait. Quoi. Bah, écoute, en tout cas, il défend pas ses affaires. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Quel est votre pire défaut? Antonin. En même temps, c'est lui qui a la caution sympathique du projet. Quoi. Parce que moi, j'ai mauvais goût. Tu vois, bon, bref. Non. Notre pire défaut? Oh, l'humilité. Alcoolique. Ouais, non, mais non. Pas vrai, sans pas. Alcool. Oui, il boit pas. Avez-vous des addictions? Non, pas du tout, jamais. Café et Red Bull. Café Red Bull. Les deux dans le même truc. Ouais. Ouais. Chocolat. Avec un peu d'eau par-dessus. Voilà, c'est ça. De l'eau polonaise. Bien sûr. Bien évidemment. Sur quelle star vous fantasmez? S'il y en a une. Sur quelle star au pluriel, c'est ça? Oui, après, comme tu veux. Hein. Attends, j'entends réfléchir. Fantasmez. Ouais. Katy Perry, vous l'avez rencontrée? Ouais, elle a des jambes immenses. Ouais, on l'a vu de loin, comme ça. Ouais, non, mais c'est pas très visible à la radio, ça. Hyper impressionnant, parce qu'elle a vraiment des jambes qui font les trois quarts. C'est impressionnant. Quoi. Tu la vois marcher, tu vois que des jambes. Et sur scène, elle monte sur des cubes qui sont sur le bord de scène et tu vois que ses jambes. Et Mickaël dit qu'il n'y a plus de la gueule. Non, en plus, c'est plus de la gueule. Bah, écoute. Non, mais oui, ouais, mais. Ça arrive même au meilleur. Non, mais je sais pas ce qu'elle avait bu ou mangé avant. Mais Red après, Bull. Oui, bah, c'est vrai, ça, ouais. Non, c'est vrai. Il y avait un petit problème au niveau de la lettre. Enfin, c'est pas grave, en même temps, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas non plus un drame. Donc, quelle star? Kirsten Dunst dans Spider-Man. Moi je prononce bien mal les choses, c'est ça qui est cool. Non, mais attends, oui, c'est dur à prononcer son nom. Bon, c'est, j'avoue que c'est pas le plus facile non plus. Hein. Antonin? Scarlett Johansson dans... Dans tout. Quelque part. D'accord, Amel? Je sais pas, Salma Hayek dans Une nuit en enfer, un truc bien vu. Ouais, ouais, bah, d'accord, ok, bon bah, très bien. Avez-vous déjà trompé votre meuf? Avec Salma Hayek deux trois fois. Jamais, j'ai trompé Kirsten Dunst avec Salma et je suis vraiment navré. Et Antonin est sorti pendant 3 ans avec Scarlett, ils habitaient au Louvre et c'était une belle histoire. Mais c'était une coloc, ça va. C'était une coloc. Bon, très bien. Et avec combien de filles vous avez couché? Zéro. Nous, on couche avec personne, on boit pas d'alcool. Et voilà. Oh, quel groupe. On est un modèle pour les nouvelles générations. Ouais, c'est plus que c'était les rockers. Mais c'est pour ça qu'ils font plutôt catholique. Hein. Ouais, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'ils font un peu dance, électro. Tu vois, ils prennent tout de tout. Ouais. Tu vois, de chaque branche, ils prennent. C'est pratique. Hein. Surtout punk. Hein. Surtout. Surtout punk. Ouais. Bon, sinon, comme musique en général, vous écoutez quoi comme style, comme. Bah vraiment de tout. En fait, tout ce qu'on aime, on aime. En fait, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qu'on aime, on aime. Mais c'est con. Mais attends. C'est vraiment quand même la profondeur du truc, même si ça a l'air d'être con comme ça. Mais toi aussi t'aimes tout ce que t'aimes. Oui, c'est logique. Et qui peut dire l'inverse, hein? Bon, c'est ça. Et là, je vous jure, il y en a un qui boit de l'eau, l'autre qui boit du coca et l'autre qui ne boit rien. Tu vois, donc je veux dire, à ce niveau-là, on est bien. On sait pas ce qu'ils ont fait avant. Ça après, c'est un autre problème. Et nous non plus d'ailleurs, c'est ça le problème. Effectivement. Tiens, si vous choisissez, enfin vous pouvez le faire, hein, choisir un morceau en particulier, n'importe lequel. À mettre ce soir dans l'émission. Ouais, si moi je veux bien. Sauf Pony Pony Run Run. Night. Non. Rick and Richards, on avait déjà fait ça. Oui, Non mais les gars. un truc que vous kiffez vraiment là, que ce soit nouveau ou vieux. Truc vieux, ouais. Moi, c'est peut-être pas vous brancher quoi. Bah, vas-y. Bon vieux Timberlake quoi, genre Rock Your Body ou Sexy Back au choix. Cool. D'accord. Bon, c'est bon, vous validez votre ça. Ouais, validé. Ok. Donc on rappelle que l'album donc de Pony Pony Run Run, You Need Pony Pony Run Run. Et voilà. Est toujours dans les bacs et que vous êtes donc en concert. Le 12 à Toulouse, il y a aussi le 20 décembre à Landerneau, le 21 janvier à la Cigale. Non, mais en fait là il y a des dates de fin d'année, mais il y a à peu près 90 dates qui arrivent à partir de janvier. D'accord, ok, très bien. Et alors Toulouse, le bikini. Hein, ouais, alors ça c'est mortel. Ça c'est parfait. Rien pour le nom, moi j'y vais. Hein. Mais écoute, c'est pour ça qu'on y va. Il y a pas de problème. Bon, merci à vous en tout cas d'être venu. Et puis bonne chance pour les autres concerts, bonne chance pour l'album. Et puis Pony Pony Run Run. Le titre de l'album, Sandro, Pony Pony Run Run. Pony Pony Run Run. Ah non, c'est le nom du groupe. Et quoi? You need Pony Pony Run Run. You need Pony Pony Run Run. Ouais. Et le single c'est Hey You. Exactement, bon, pas mal. Je t'avais écrit. Combien d'albums on peut offrir? A savoir qu'en général, on nous en offre 1000 à 2000. Donc, ah bon? Bah, aucun souci. Ouais. Allez, elle va pour 10 000. Allez, parfait. Non, allez, 100? Ouais, 700. Allez. Ouais. Non, 100, c'est bon. C'est pas moi hein, qu'il faut demander. Non, je suis barré. C'est barré le mec de la maison. Mais c'est ça quoi. Ouais, mais j'ai pas envie de dire de conneries, bon, je vais après. King dit moi qu'on sent, hein. Hop, l'affaire est pliée. Donc, alors comment on va faire? 600 zoos, c'est d'habitude, je dis 600 zoos, débité par énergie, puis vous mettez le nom du groupe, mais là ils vont galérer. Surtout qu'il y aura plus de place pour l'adresse. Pony. Donc, Pony. Bon, ouais, Pony, ouais. Voilà, sera bien, ouais. 612, débuté par énergie, vous mettez Pony, et donc énergie, puis Pony, puis vos coordonnées complètes, et on vous file donc le nouvel album de Pony Pony Run Run, qui s'appelle You Need Pony Pony Run Run. Tout simplement. Voilà. J'y suis arrivé, hein, comme quoi tout arrive. Merci beaucoup les gars d'être passés. Merci à vous. Et puis à bientôt, et nous on revient dans quelques instants, ne bougez pas de là tout de suite. Mickaël, le podcast. On va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Olivier, qui est là, 18 ans. Salut Olivier. Salut, bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va bien Olivier? Oui. Bon, très bien. Si c'est Olivier, ça veut dire que... Bah c'est Sandro qui joue. ça faisait longtemps. Par contre, il va falloir qu'elle se chauffe, hein. C'est qu'elle se réchauffe plutôt. Hein. Bon, alors Olivier, on va donc jouer au chéri, je t'ai fait cocu. Je rappelle le concept, hein, ça fait un petit bout de temps maintenant. Donc, on appelle ta meuf. Ouais. Tu lui fais croire évidemment que tu l'as rendu cocu ou que t'es sur le point de le faire en tout cas. Si elle s'énerve, et au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. D'accord? Okay. Bon, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vas essayer de lui raconter comme connerie? Je vais lui dire que j'ai trompé avec une fille samedi soir, au match de volley. Que tu as trompé. Au match de volley? Ouais. Oh, c'est bon, Sandro qui est volleyeuse. Ah ouais, les volleyeuses avec le petit shorty moulant là. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir, on les verra pas en vrai. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est pour ça j'adore regarder Eurosport. C'est ça. Bon, écoute, on va y aller, pas de problème. C'était où le match de volley? À Bouc-Bel-Air. Où ça? À Bouc-Bel-Air. Bouc-Bel-Air. Je suis pas dans cette équipe, je te préviens tout de suite. C'est pas grave. Bon, eh ben très bien Olivier, vas-y, on y va, on attaque direct. Hein. Bien sûr, comment elle s'appelle la meuf? Julia. Julia, d'accord, ok, très bien. Julia, c'est ta meuf ou... Non, c'est Julia. Non, c'est Julia qui l'a baisé. Julia, c'est toi. D'accord. Et, voilà. ta meuf, elle s'appelle comment? Non, ma meuf, c'est Julia. Ah pardon. Donc Julia, c'est ta meuf et la meuf que t'as rencontrée, la volleyeuse, donc Sandro, elle s'appelle comment? Joséphine. Marion. Il y avait pas un dessin animé avec des volleyeuses? Si, c'est Jeanne et Serge. On va t'appeler Jeanne. Jeanne, d'accord. Voilà, elle s'appellera Jeanne, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Au plus elle s'énerve, au plus tu repars avec des cadeaux. Fais-la intelligemment, faut pas qu'elle pleure, sinon c'est perdu. Bien évidemment, Serge va venir s'en mêler à un moment. Bien évidemment. Tu seras Serge. Mais vers la fin. Moi, je fais Serge. Non, non. Mickaël fera Serge. Dans sa famille, on fait plutôt concierge. C'est drôle, ça. Oh, là. Bim. Bonjour, vous êtes bien sûr. Eh bah oui, oh là là, dis donc. Okay, ah, je suis drôle. Vraiment déçu, hein. Oh là là. Ah, je suis déçu de pas jouer. Attends, attends, attends, on rappelle quand même. On rappelle. Oh, ben non, si c'est répondeur là, dérange pas. Il est devant c'est... le match sûrement. Ouais, oui, c'est ça. De toute façon, il reste 30 secondes là, si tu veux. Après, il est plié. Hein. Deschamps, ah bah, là, il est Deschamps, de... il a affalé sur son siège. Ah ouais. Putain, j'aimerais bien avoir un siège comme ça, PSG. Chut. Tu n'auras pas. Déjà, il faut avoir des matchs. Il faut avoir des sous. Oui, aussi. Un petit but pour Marseille, histoire d'eux, juste pour l'honneur quoi. Non, ça ils y croient plus. Non, enfin, je te confirme. T'as raison. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Olivier? Oui, allô? Oui. Ouais, c'est la maman de Julien. Elle dort, Julien, Olivier. Ah. Ah, maman, je t'ai fait coucou. Non, maman, j'ai fait coucou. Bonne soirée. Bah, marche. Oh putain. Ah oui. Mais oh pourquoi bonne tu n'as pas dit c'est urgent? Et en tout cas, bonne entente avec belle maman. Ah ouais, mais comment ça se passe avec belle maman là? Il y a un souci? Mal. Non, elle dort. Non. J'ai compris qu'elle dormait, mais. Mais pour, tu sais, parce qu'elle t'a parlé de manière un peu. Ouais, t'as raccroché sèche. La gueule, on peut de, le dire. De manière très très sec, hein. Oh bah ouais, je sais pas. D'accord, ok, bon. Tu t'es déjà faite ta meuf? Pardon? Tu te l'es déjà faite? Non. Pas sa mère, hein. Non, j'ai compris, ouais. Donc, non, ouais. Ah, bah, écoute, alors peut-être qu'il croit que oui, je sais pas. Bon, bah écoute, c'est pas grave, Olivier. Hein. Oh bah non, c'est pas grave. Applaudissons Micha. Bravo. Bravo Micha. Faut bien mettre sur la gueule de quelqu'un, Micha. Oui. Bah, il est censé téléphoner à l'avance pour vérifier. Non, mais si elle est couchée, c'est de ma faute, évidemment. Bah oui, bah non. Excusez-moi. Bah oui, bah c'est parfait, excuse-toi, mets-toi à genoux. Oui, non. Non, très bien, que ta stagiaire te fouette. Non, calme, pardon, non, rien. Oh non, il a rien dit. Bon, Olivier, bah écoute, c'est pas grave, on remettra le couvert un autre jour, hein, si tu veux, pas de soucis. Hein. Ouais. D'accord, salut à toi. Vas-y. Salut Olivier, et match terminé, hein, donc Madrid donc, vient de remporter, et Marseille surtout est éliminé de la Champions League. Oui, mais Marseille va en Liga, Ligue en Europa. Europa League. Europa League, ouais, c'est ça. Il ouais. Y a Zizou qui est passé nous voir, il a peut-être un avis là-dessus. Hein. Oui, bah, ça c'est fait vrai longtemps qu'on l'a pas vu. Mais il a été, en fait, on l'a depuis Marseille, hein, parce qu'il était, ouais, dans, les, était dans les. Il était dans les tribunes. Ouais. Il était dans les Zizou, tribunes, approche-toi. Oh là, on entend mal. Mets le son un peu plus fort. Ouais, mais enfin bon, plus fort. Bonsoir Zizou. Oui, bonsoir. Alors, vous étiez là pour supporter Marseille ou Madrid? Oh, c'était un petit peu les deux. Mais bon, je comprends rien. Quoi? C'était un petit peu les deux, mais enfin bon, j'étais plus pour le club de cœur. C'est-à-dire? C'est l'Olympique des mauvais. Vous étiez où tout ce temps-là? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé nous voir. Ah, je travaille à Madrid. Ouais, il travaille durement. Hein. Je travaille à Madrid avec le président Florentino Pérez. Oui, d'accord, ok. Oui, bon, okay, et donc, là, il y a mon ami Didier Deschamps qui est. Ah, oui, il y a Deschamps qui parle. On peut écouter Deschamps ou pas? Récompensé, puisqu'on a pris qu'un point alors qu'on avait fait quand même deux grosses prestations. On perd avec un peu de malchance à l'aller. Au retour, bon, on fait match nul, mais on peut le gagner aussi. Donc, c'est un bon entraîneur, mais il est vraiment pas beau. Ouais, enfin, il est pas là pour ça, tu veux. Hein. C'est vrai. Ouais, il est là pour on voit jamais ses dents quand il parle. Non. Ah, si, un peu. Que du côté droit ou gauche, je savais pas le coup où vous placer. Oui, c'est vrai. Ouais, il lui en manque quelques-unes, non? Non. En fait, il a pas de lèvres. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Il a la bouche de Louis de Funès, toute fine comme ça. Excusez-moi, mais devant, il en manque quelques-unes, je crois. Hein. Non, t'inquiète. Je crois que c'est l'ombre. Bon, Zizou, merci en tout cas d'être passé. Et puis, bon, bah, allez, comme c'est le club du cœur, allez, Marseille. Ouais, j'ai envie de dire, allez, Madrid, pour la suite de la Ligue des Champions. Ouais, mais pour la Ligue 1 et pour l'Europa League, allez, Marseille. Ah, je souhaite bon courage à l'Olympique de Marseille. Allez, Marseille. Allez. Allez. Il est relou. C'est à croire, c'est drôle. C'est dingue quand même. Il a le même problème. Non mais non, c'est Zidane. Il peut pas se permettre de, tu vois, de supporter un club comme ça. Il peut pas prendre parti. C'est son... normal. J'aimerais bien avoir son portefeuille, Zizou. Ouais ouais. Ah bah oui. Bah je te confirme, moi aussi. Ouais. Bon, on va parler de. Du talent. Hein. De la chirurgie. Ouais, de non, la non, chirurgie. De la chirurgie esthétique. Maintenant, on va en reparler plutôt. Tof, est-ce que t'as une solution alors par rapport au problème de Mathilde? Donc, alors Aurélie nous avait appelé parce qu'elle avait pas de sein et Mathilde nous avait appelé parce que elle avait une espèce. Bon, disons. Autant le dire grossièrement, elle avait une croûte sur le cul. Quoi. Oh, non, c'est ça, de la taille d'une pièce de 2 euros. Plus que ça, 3 bics, 3 stylobics. C'est un peu ça, Mathilde, non? Grossièrement parlant. Hein. Peut-être pas une croûte, non. Non, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, une tache, quoi. Une tache de naissance. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bah, regarde, Toff, il a une tache tout court. Hein. Non, mais ça va, ça devrait pas te coûter cher. Hein. 380. Non, c'est pas une tache, c'est son nez, hein, par contre. Ah, pardon. 380 euros environ. De quoi ? L'intervention pour enlever son espèce de truc horrible. Non, mais t'es sûr de ce que tu racontes ? Oui, 380 euros l'intervention, c'est écrit. Ah oui, mais ça dépend pourquoi. Oui, ça dépend pourquoi. C'est une petite intervention bénigne, 380 euros. T'as décidé que c'était une petite intervention bénigne ? Mais oui, c'est une. Ça se trouve, elle peut en mourir si on lui enlève son truc. Mais non. Mais t'en sais rien, t'es pas médecin. Mais elle non plus. Mais si, il est médecin. C'est ça. Ouais, ouais, Toff, il est tout. Toff, il est tout, il est médecin, il est tout ce que vous voulez. Bon, les filles, comme vous êtes toujours là, Aurélie et Mathilde, vous allez peut-être pouvoir jouer. Oui. J'ai un petit quiz. Ouais, vite fait, ouais, au niveau de la chirurgie. Alors, à votre avis, comme ça au hasard, quel type d'opération est le plus pratiqué au Canada ? Au niveau de la chirurgie, je parle. Hein, au Canada, ouais. On greffe de la graisse pour avoir chaud. Non. Les boîtes caribou. Non. T'as une idée, Mathilde ? Réduction mammaire ? Non. Pas. Ah, réduction non. Mais on y est presque. Augmentation. Augmentation. Augmentation mammaire. Quoi ? Augmentation mammaire. Une augmentation. Augmentation mammaire, effectivement. Quelle est l'opération la plus pratiquée au United States of America ? Ah bah réduction. Ouais. Les lèvres. Hein. Le botox. L'liposuction. L'liposuction. Ah, comme par hasard, putain. Qui est la plus demandée, 700 000 demandes. Oh la vache. C'est pas mal, hein. J'ai des gènes américains. Ouais. En France, je m'excuse, franchement, alors, je sais, je travaille pour la France, une radio française, des Français m'écoutent. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les Français, alors. Pourquoi ? C'est quoi la réponse ? Le lifting. Non, si dit ça, une réduction mammaire. Oui. Réduction mammaire. Ils veulent tous se faire enlever les. Hein, on a des gros nichons en France. Voilà. Non, mais après, il faut voir si c'est vraiment gros et que ça pose des problèmes de santé. Je dis pas, mais on n'est pas à l'abri. Oui, mais c'est pour faire l'inverse des États-Unis. Ouais. Moi, je vais monter une association. Sauvons la branlette espagnole. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, quelle est l'opération la plus pratiquée au Brésil ? Les fesses. Oui, modification des fesses. Alors, on ne dit pas si c'est réduction ou augmentation. Hein. Ouais, c'est la forme. C'est la forme. En Angleterre. Oula. Ouais, elle va galérer. La liposuction. Liposuction. Liposuction, mais ce n'est pas ça. Putain, c'est une bonne question. En Angleterre. Le foie. Bah oui. Le ventre. Non. Une décoloration des cheveux. Non. Pour passer du roux. Non. On leur greffe une main gauche. Non. Droite. Non. C'est les Irlandais. On leur enlève la main gauche. Là, ça commence par un R. Oui. Rate. Non. La réducu. Non. je cherche le terme exact. Hein. Le roude. Non. Ah, la rhinoplastie. La rhinoplastie, merci. Voilà, bonne réponse. Ah, ils ont des nez de merde là-bas. Ouais. Et puis toi fait un peu anglais. Hein. Non, mais ils ont peut-être des cornes. Hein, mais c'était avant l'opération la rhinoplastie. Ah oui. La plus faite en France aussi. De quoi le nez ? Ouais, avant, ouais. Ah bah, ils auraient dû rester là. Et en Inde ? Oh non, bon, ils ont pas les moyens. La grève de bras. Bah ouais, ils demandent des jambes quoi. Prothèse pour les jambes. C'est vrai ? Non, c'est une blague. Mais ça aurait pu l'être. Hein. C'est marrant, il y a pas les Allemandes. Attends, on sait pas finalement pour l'Inde. Non, y a rien. Non, c'est que les Allemandes, moi j'aurais bien dit que c'était la gueule entière. Bah merci, c'est gentil. Non, pardon, tu es d'origine allemande. Définitive. Ouais, les Allemandes, c'est ça, l'épilation définitive. L'épilation définitive. C'est marrant, je m'attendais à ce que vous fassiez chez cette vanne stupide pour le Portugal. Ouais, non, on a rien. C'est parce que c'est bientôt Noël. Mais par contre, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune chance au Portugal. De quoi ? Qu'il y ait trop de poils ? Oui, ça, je te confirme. Non, qu'il y ait des chirurgiens. Ouais, c'est ça, pauvre con. D'accord, les. Si, mais c'est des chirurgiens du béton, quoi. Raconte un peu quand tu t'es cassé le bras, Mike. De quoi ? Mais ça n'a rien à voir. Bah, si. Mais c'était en 86. Et alors ? Aux États-Unis, ils ont les maçons du cœur. Au Portugal, ils ont les chirurgiens. Attends, mais c'était en 1986, il y a 20. Putain, 23 ans. Ouais. Oh, ça fait mal au cul. Et t'as pas trouvé d'hôpital, c'est ça ? Putain, si j'en ai trouvé un, hein, mais j'en ai pas trouvé. Ouais. Avec les fourmis qui courent au milieu de la salle d'attente. Bon, je vous raconte ça dans un instant, reste là. Ouais, Mathilde et Aurélie, bougez pas. Bah oui, mais bon. Aurélie, il y a Arnaud, pardon, qui voulait réagir aussi par rapport aux opérations. Et puis je vous raconterai, c'était belle opération. Enfin, c'est même pas une opération, hein. C'est. Urgence. Accident, oui, c'est l'urgence au Portugal en 1986. Mickaël, le podcast. Arnaud, tu veux refaire du mu. Les paires ton bide ou... Ah, il était justement en train de se caresser le ventre. Ouais, ben en ce moment c'est pas trop ça. Hein. Ah oui, bah là je viens de trouver. Depuis très longtemps. Je viens de trouver une méthode américaine, ça peut t'intéresser. Méthode américaine révolutionnaire qui va tout changer au régime et aux salles de sport. Ouais, oh tu parles. C'est encore un truc à la con, ça, genre des pilules ou des compléments alimentaires. Non, rien à voir. Il y a absolument rien à prendre. Enfin, il y a absolument rien à avaler. Ah, des suppositoires alors. Mais non, il est tout content lui. C'est une méthode à base de voilà. Oh. Tu te fais fouetter, tu perds du poids? Presque. En fait, c'est une étudiante en journalisme qui a inventé ça, en fait, juste après avoir eu son diplôme. Elle a monté le club de sport SM pour perdre du poids. C'est bon, ça. Genre, tout le monde est en cuir et si tu fais pas bien un exercice, hop, un petit coup de fouet sur tes fesses. Exactement, mais pas que de fouet. Il y a aussi la fessée, les coups de pied, les baffes et aussi les humiliations. Si vraiment t'es mauvais, quoi. Bah, écoute, ça tombe bien, j'ai une ceinture sur moi. Non, mais sérieux, il y a des gens qui font ça? Ah bah ouais, plus que tu crois, hein. Sans déconner, ça arrive même en France. Et bah, comme vous savez que j'ai le bras... relativement long, je vais vous dire ce qui est. Hein. J'ai déjà récupéré la pub qui va arriver. Weight Domination. Dès la première réunion, j'ai eu confiance en Weight Domination, en leur méthode, grâce à la séance et à maîtresse Sarah. Fais-moi 20 pompes, gros lard. J'ai appris le plaisir d'être humilié pour perdre mon gros bide à bière. Mais c'est quoi ces abdos de merde? Tu veux rester une baleine toute ta vie? Ah, j'ai appris le plaisir de la souffrance parce que je faisais pas d'effort avant. Je glandais à la salle de sport. Weight Domination, mon coach humiliation. Pour maigrir, vous aussi, envoyez Régime SM au 6. Trempe, trempe. Première fessée offerte. Weight Domination, satisfait ou bastonné. Ah là, c'est pas mal, hein. C'est ça. Mais Sandro, elle a tellement kiffé qu'elle a déjà sorti sa grosse ceinture. Parce que Toff, donc, n'a pas été satisfait, donc ça dit à la fin satisfait ou bastonné. Qui veut perdre du poids ici? Toff, il est en plein régime en ce moment. C'est Roux qui veut perdre du poids. Non, moi, ça va, regarde, hop, moi j'ai plus de bide, regarde, hop. Par contre, oui, parce que tu le rentres. Ah, tais-toi et fais-moi des pompes. Oui, oui, maîtresse, pardon, maîtresse. Par contre, je te vois très très bien en dominatrice. Attends, attends. Ouah là là là là là là là là. Vous attention. Avez la webcam, allez-y. Attends, venge tout le monde. Pense au 7, le 7 décembre, le 7 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 décembre? Allonge-toi. Ah, ça fait mal. Pense à toutes les meufs. Oui, c'est bon. Fais-moi des pompes. Je fais des pompes. Roupe oreille. Non, attends, mais. Tu veux perdre du bite, t'as dit. Sandro, mets-la du côté crochet. Pareil, j'ai dit. Mets-la du côté crochet, la ceinture. Crochet, très bien. Bah, j'écoute. J'écoute mon boss. Hein. Repense à ton salaire, Sandra. Repense à ton salaire. Tourne-toi. Vas-y, fais sur le roux parce qu'il fait le malin là. Attends. Tout de suite. C'est le tour du roux, c'est le tour du roux. Mais pas, arrête. Oh, mais, attends. Mais pas, mais le crochet. Attends, je vais le faire. Non, je veux pas. Mickaël, maîtresse SM. Ah oui, quand il a dit j'ai envie de jouer, je croyais que c'était toi qui allais te faire fouetter. Mais non. D'habitude, j'ai une ceinture Carcani avec une énorme boucle. Tu l'as pas là comme par hasard. Ouais, je te l'aurais bien pris. Aéro. Non, t'es fou, toi tu vas faire mal. Mickaël SM. Toi, t'as double bouffe si tu l'attrapes. Allez, Roux, sois fort. Roux, c'est là, pour Roux. Tu fais une croix sur les cadeaux que je t'ai déjà fait. Ah, espèce de sale con, va. Arrête. Roux, c'est pour ton bide. Allez, parfait. Donne ton cul, Roux. T'as perdu 100 grammes, là, au moins. Et en plus, la ceinture, c'est une ceinture à clous, là. Ah ouais, putain, tu m'as tué, t'es fou. Mais ça doit faire trop mal. Ah oui, ça fait mal. C'est vrai? Ah oui, vas-y, fais des pompes. Non, bah, fais-le sur toi pour voir. Non, c'est bon, moi j'ai donné, attends. Elle a fait avec la boucle. J'ai arrêté mon régime aujourd'hui, moi. Non, vas-y. Ouais, tu n'as jamais vraiment commencé. Roux, non. Bon. Oh, arrête un peu, là, merde. Non, mais attends, Roux. Le mec, Roux, il vient de gueuler comme un porc. Fais gaffe, Sandra. Toff, il a un double menton, il aimerait le perdre. Non, ça va, allez, c'est là qu'il faut taper. Je vais le garder, je préfère le garder. Allez, au visage. Ah, putain, Roux. J'ai tapé fort, là, je crois. Oui, t'as du ta... Oh, putain. Oh, putain, parce que moi, j'ai tapé plus fort que ça. Ça va, ça suffit. Parce que moi, j'ai tapé beaucoup plus fort que ça sur toi, hein, sur Roux. Hein. Non, c'est bon. Y'a Sandro. Oui, ça fait mal, voilà. Attends, Sandro. Attends, mais non, moi, j'ai arrêté mon régime, j'ai perdu tout ce qu'il fallait. Moi, c'est bon, ça a bien marché, tu vois, moi, je suis satisfaite. Lève ta main. Attendez. Tu me touches, si je te laisse me toucher un sein, tu me fouettes pas. Attendez. Si vous êtes dans votre chambre là, machin, si vous êtes dans le noir, Sandro va simuler. Allez, vas-y. Je dirais. Ça se décide, hein. Ah, arrête. Ah, c'est bon. Non. Je crois qu'il allait me continuer. Par contre, Roux, c'est toi qui as du ventre. Ah, ça suffit. Par contre, il perd son pantalon. Hein. Ah, c'est ma ceinture. C'est le principe de la ceinture. Bien, ça, ouais. Mais il perd le pantalon quand même. Donc, et bon, bonne idée, hein, finalement, un Weight Domination. Ouais, ça peut vite bien marcher. Ouais. Faut avoir le courage quand même. Ça fait des traces sur la peau, par contre. Ça fait des traces sur la peau, mais ça peut quand même relativement bien vite marcher. Hein. Ouais, par contre, c'est l'uniforme pour la salle de sport, c'est bizarre. Hein. Bah, c'est du cuir au final, tu transpires et c'est ça qui est bien. Quand c'est surtout ça qui fait que ça marche, j'imagine. Bah, c'est le cuir et la transpi, quoi. Tu perds de l'eau. Sincèrement, je suis pas sûr que ça marche. Si, si, mais si, tu sais. Quand tu transpires, ça marche plus que le coup de fouet, je pense. Ouais, peut-être. Tu sais, t'as pas le choix. T'es là, t'es en train de faire tes pompes, tu les fais pas bien. T'as la meuf qui arrive qui te met des coups de fouet, t'inquiète pas, tu vas les faire les pompes. Peut-être aussi parce que quand tu te prends enfin, c'est de la douleur et ça chauffe, ça ton corps, il produit sûrement une espèce de chaleur. J'ai juste pas envie de te faire défoncer, donc tu fais des pompages, c'est tout. Qui t'a dit ça? Ouais, c'est sûr. Si, c'est ça. Elle m'a dit que je voulais pas me faire défoncer. Très bien, parfait. Le message est passé. Je m'en occupe. Le message est passé, ouais, très bien. Bon, on va passer au mag. Allez, il est l'heure là, on a qu'une minute 40 de retard. C'est parfait, passons maintenant au mag et bienvenue dans ce nouveau mag du jour. Un tour d'horizon de l'information avalée, dissous au suc gastrique, vomi, réavalé pour enfin vous le ressortir à notre sauce. Et on attaque l'actu de ce 8 décembre avec la police nationale entachée d'une sombre histoire de vol dans un magasin de téléphonie par deux officiers ripoux. Eh ouais, les faits se sont déroulés vendredi dans Paris. Exactement, des policiers sont entrés dans un magasin et après s'être identifiés comme agents de police, ils ont vidé la caisse dans un sac en plastique et ils ont pris la fuite pour finalement se faire maîtriser par des civils. Ouais, pas de chance, une caméra de surveillance a filmé la scène. Ouais, du coup, cette affaire a donné une grande idée à Andemol. La boîte de prod télévisuelle donc planche sur une idée de télé-réalité mettant en scène la police. Ouais, on a déjà le titre, Police Academy débarque sur vos écrans en septembre prochain. Allez, on poursuit ce mag avec une sombre affaire de vol. Et oui, encore, cette fois c'est l'association des Restos du Cœur qui est frappée. Ah ouais, putain, j'ai vu ça, en fait, ils ont tiré 300 jouets tout neufs au sein des Restos du Cœur. Il y a déjà des suspects? Oui, le gang des Pères Noël, ou alors peut-être une filière pédophile, ou alors le frère de Tony Musula, on sait pas. Ça fait pitié si c'est son frère. Bon, j'aurais plutôt dit que c'était Sandro qui avait tiré 300 jouets. Mais enfin bon. Bon, en tout cas, Coluche doit se retourner dans sa tombe, hein, d'autant plus que ses enfants font un procès à son producteur. Ah ouais, ils réclament des droits d'auteur sur 3 disques de leur père. En fait. Et, exactement, et là c'est Paul Lederman qui se gave à leur place, du coup, bah, il tape scandale. Ouais, en même temps, c'est pas comme si c'était John Lennon, Coluche. Quoi. Non, mais bon, c'est la crise, et puis aujourd'hui, on a plus le droit ni d'avoir un emploi ni d'avoir le RSA. Bref, excuse-moi Coluche, tu te retournes dans ta tombe, je suis vraiment désolé. Ouais, il se retourne surtout quand il entend Mimi Mati chanter, je aussi, pense. Aussi, ouais. Bon, du coup, on trouve l'argent où on peut, évidemment. Et puis, on continue avec cette affaire qui fait scandale dans le monde de l'enseignement. Luc Châtel veut supprimer l'histoire géo du programme de Terminal S. Non, il veut juste diminuer les heures d'histoire. Oui, voilà, oui, parce que soi-disant, les scientifiques n'ont pas besoin de connaître l'histoire pour poursuivre leur formation. Ouais, c'est ouf. C'est vachement bien, quoi. T'imagines un scientifique qui travaille sur un explosif puissant qui ignore complètement qu'avant lui, Albert Einstein avait fait la même chose, permettant aux nazis de tuer des millions de gens. C'est-à-dire que la Terre se porterait sûrement mieux comme ça. Non, il a raison. En fait, l'histoire, elle est importante dans tous les domaines. Regarde, nous, si on connaissait pas l'histoire de la radio, on ferait exactement la même chose que ce qui se faisait il y a 30 ans. Bah, pareil en foot. Thierry Henry serait passé pour un blaire s'il avait dit que sa main était la main de Dieu. Ouais, et puis la géo, c'est pareil. C'est, je sais pas, vous vous imaginez survivre sans savoir quelle est la capitale du Burkina Faso, vous? Moi, je sais toujours pas, en tout cas. C'était peut-être pas un bon exemple. Voilà. Allez, passons au compte du jour maintenant. Un Allemand, il a 58 ans. Il a eu des problèmes pour quitter la Nouvelle-Zélande et c'est le con du roux. Ouais, mon con a été arrêté alors qu'il essayait de passer la douane néo-zélandaise avec un bagage assez particulier. Alors l'histoire dit pas s'il était en vacances, mais en fait en essayant de rentrer chez lui en Allemagne, il a été contrôlé par la douane et en le fouillant, ils ont trouvé un truc assez particulier dans son slip. D'après vous, c'est quoi? Une trace déjà, de traînage. C'est drôle, il avait un slip. Ouais, déjà. Je sais pas, ouais. Des bijoux. Non, alors, dans son slip ou dans son corps? Dans son slip. Ah, de la cam qui était. Qui avait, tu sais, genre des sachets qui étaient tombés. Enfin, tu. Non. Les sachets de cam qu'il avait mis dans son derrière, par exemple, tu sais. Non. Un petit indice, il y en avait pour 30 000 euros. Ah, les montres et les bijoux qui ont été volés chez Cartier et Chaumet? Pas du tout. Des jouets? Des diamants? Des pas jouets? Pas du tout, pas du tout. C'est pas matériel. Ah, c'est pas matériel? Voilà. Je vois pas ce qu'il y a d'immatériel que tu peux mettre dans ton caleçon. Eh ben mon coup, avec 44 reptiles de 7 espèces différentes. Dans le slip. Dont des geckos. C'est énorme. Hein, combien il en avait? 44 reptiles de 7 espèces. Alors, le sien, ça fait 45. Ouais. Et il avait quoi comme slip? Parce que putain, faut les ranger. Un slip kangourou. Ah, ouais, oui, évidemment, en Nouvelle-Zélande. Évidemment. Mon con aurait pris ses bestioles dans la nature, alors qu'en fait, il n'avait pas le droit, et tout ça pour les revendre. Mais rassurez-vous, hein, il avait mis ses bêtes enfermées dans un petit paquet, de peur qu'il lui bouffe la bite, quand même. Ouais, quand même, hein, c'est horrible. Enfin, c'était surtout pour protéger son petit paquet. Ouais, bah, c'est surtout. Ouais. Bon, bah, merci pour ce con du jour. Hein. Passons au sport maintenant avec Raymond Domenech, qui nous a tous bien niqué. Hein. Quand les sommes qu'il allait percevoir suite à la qualification des Bleus sont tombées, il les a démenties en disant qu'il n'allait gagner même pas la moitié. Voilà, une petite erreur effectivement de 5%, c'était glissé entre les chiffres annoncés et ceux qu'il va réellement toucher. Voilà, donc 5%, c'est la moitié pour Raymond. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Ouais, mais donc quand il dit qu'il est sûr de gagner la Coupe du Monde à 100%. Bah, ça veut dire qu'en fait, il est sûr à 50%. Voilà. Mais il a raison, hein. Franchement, dans le foot, la moitié des informations ne sont pas très importantes. Du coup, bah, foot toujours. Le Real de Marseille vient d'éclater l'Olympique de Madrid par 3 buts d'écart, dont un magnifique but de Cristiano Brandao. Et ouais, ils sont donc qualifiés pour les phases finales de Champions League. Ouais, ouais, c'est à moitié vrai. Ouais, donc c'est vrai pour Domenech, en fait. Et ce sera le principal au final. Et on va terminer ce mag avec un petit conseil gastronomique et économique. Vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous voulez manger gratuitement, Marou ? Oui. Voilà, et bien c'est possible, mais vous devez remplir certaines conditions. Déjà, vous devez soit habiter, soit être de passage, et c'est là que le roux va râler, à Marseille. Ah, c'est dommage, devez, le roux revient. Ben voilà, vous devez vous rendre à la pizzeria chez Picone, et surtout, vous devez savoir jouer au dé, en fait. Alors l'idée est simple, vous allez manger... Ah, j'ai vu ça. Ouais, vous allez bouffer dans la pizzeria, et au moment de l'addition, une serveuse vous emmène des dés, vous les jetez, si vous réussissez à faire... 4, 2, 1, donc 421. Vous et vos amis repartent sans payer, en fait, tout simplement. Ah, c'est sympa. C'est drôle. Ce qui est bien, on finit le resto au basket, évidemment, ou de faire semblant d'avoir oublié son portefeuille. Hein. Et donc, c'est Mireille et Elodie, les deux patronnes de chez Picone, qui ont eu cette idée afin d'attirer de nouveaux clients. Et puis, ça marche, hein, puisqu'il y a déjà eu 9 gagnants, dont 4 qui ont économisé 130 euros. Voilà, c'était le petit truc du jour. Et l'euro aurait dû y aller, hein. Ah ouais, bah, là, je vais y retourner. Mais t'es, en fait, le roux, il prendrait un truc, il demanderait l'addition chaque fois pour rejouer, tu vois. Un coca et l'addition. Ah bon, ouais. Alors, la pizza, pizza 4 fromages et l'addition. Par contre, c'est dommage. Est-ce que je peux avoir la pizza d'abord et le fromage après? C'est ça. Pour demander deux fois l'addition. Et l'addition entre deux, ouais. Non, mais c'est bien parce que si tu vas manger à 4, bah, vous demandez 4 additions. Oui, hey, mais... oui. Oui, non, et mais tu divises tout par 4 ensuite, donc comme ça t'as gagné un petit peu. Ouais, un petit peu, mais t'aurais pu gagner plus. C'est vrai. Ah ouais. Bon, allez, passons au quiz. Maintenant, attention, qui a dit on raconte partout que j'ai de l'herpès? Sandro. C'est pas moi, arrêtez de vous faire Sandro. Chier. Sandro. C'est pas toi. Non, elle dit Sandro. C'est Rihanna. C'est Rihanna, effectivement, à propos des remarques faites par Tia Tequila. Ah oui, excuse de cul. Voilà. Mais elle fait vraiment du cul alors? C'est parce que moi je croyais que c'était juste une stripteaseuse qui montrait son cul sur internet. Qu'il allait dire, mais elle a vraiment de l'herpès. Non. Qui l'a tequila? Non, on s'en fout. La réponse en fait, elle a mis ça sur son Twitter. Rihanna a de l'herpès, elle a refilé avec un mec avec qui elle a couché. Et je vais aussi mettre ça sur mon Twitter, je vais mettre Polo et je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre sur Polo. Ah, Polo a de l'herpès, hein, ça arrive souvent. Ouais, non, mais ça, c'est Polo a trop de cheveux, c'est rare. Trop, Polo a trop de cheveux, on va voir, ça va faire le tour du monde. Je crois pas. Non. Non. Non, je crois pas. Non. Bon. Par contre, si tu mets des trucs sur Jared Leto. Ouais, puis tu connais en plus. Oui, alors. Je connais ces endroits intimes. Et t'as eu de l'herpès un petit peu après qu'il soit venu. Ah, je vois pas le rapport. Oui, mais vous remarquerez qu'il n'en a pas. Ah ben c'est vrai, ce qui prouve que ça existe. Ouais, on sait pas. C'est pas d'où vient son herpès. Et oui, c'est ça. Enfin, bon, d'où vient le tien en tout cas, on sait pas. Qui a dit ça c'est la fatigue. Oh, alors, c'est vrai, excuse la plus bidon qu'on ait. La semaine où je l'ai eu, je dormais 4 heures par nuit, j'étais défoncé pour une semaine. Et c'est arrivé. Et j'avais eu ça il y a 10 ans avant. Et c'était l'autre moment du coup de fatigue. 10 ans avant, donc. Hein. Putain, le mec, il est fatigué juste tous les 10 ans, quoi. Ah, c'est les cycles, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Bon, qui a dit, comme Mozart et Beethoven, j'ai confiance en mon talent? Lady Gaga. Effectivement. Ah, je suis désolé. Ah, ouais. Effectivement, ouais. Et enfin, pour finir, qui a dit quand j'étais gamin, je n'avais aucun succès. Maintenant, toutes les filles me courent après. Ah, je l'avais vu. Justin Timberlake. Non. Pattinson. Oui, Robert Pattinson, effectivement. Non, encore un gamin. Pas beau. Ouais. Oh. Oui. Ah oui, mais... il a du succès, il a du pognon, il a tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, il fait un film qui marche. En parlant d'un mec qui avait du succès, est-ce que vous avez vu l'interview de Samy Nasseri? Ouais. Mec, j'ai eu peur. Il m'a fait mal au cœur. Ah, franchement, c'était dur cette interview. Au bout du gouffre, hein, le mec. Mmh. Ah ouais. À la fin, t'as l'impression qu'il va chialer et tout. Franchement, c'était horrible cette interview. Il a mais c'est surtout que tu t'entends que bah c'est les médicaments, ça. Hein. Ah, il est shooté au médoc. Hein. Ah, c'était horrible. Pas vu. Moi non plus. Vous avez pas vu? Bah non. Regardez sur internet, sur TF1 vidéo, un truc comme ça. C'était dans 7 à 8. C'était dans 7 à 8, ouais, le portrait de la semaine. Oh là là, horrible. Franchement, ça fait mal au cœur. Ouais, mais ils le font exprès sur TF1 de faire ça. Non, mais là, ou alors là, il est bon comédien, mais il est pas bien du tout là. Non, mais ils ont fait exprès de le choisir. Ah oui. Parce qu'ils savaient qu'il était. Mais il sort de prison, je crois que c'est pour ça. Ah oui, bah. Enfin, il est en permission là, parce qu'il va y retourner là, ouais. Toutes les deux semaines. Il sort de prison. Ah bah d'accord. Ah d'accord. Pratique, c'est donc. Bon, et bah très bien, c'était donc le Mac du jour, retour du Mac du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Bon, chirurgie esthétique, Mathilde et Aurélie qui sont toujours là. Et Arnaud qui voulait nous parler également de la chirurgie esthétique, puisque Toff avait vu dans le Parisien aujourd'hui en France, que 14% des Françaises y ont déjà eu recours. Exactement, ouais. Et bon, alors 6% en 2002. Tu voulais nous dire quoi, toi, Arnaud, alors à ce sujet? Eh bien, moi je voulais dire que ce n'est pas vraiment une solution, car c'est Il se lance dans un engrenage. C'est-à-dire, mais non, mais c'est-à-dire. Ça va partir des petits seins. J'ai entendu une auditrice qui disait qu'elle avait des petits seins, qu'elle voulait se refaire faire les seins. Elle est toujours là, c'est Aurélie qu'on a eu en début d'émission. Oui, Aurélie, oui, donc. Ouais. Et bon, elle va se faire faire les seins, et quand ça sera plus ça, elle va retrouver quelque chose, et elle va prendre 2 kilos, il faudra une liposuction, il faudra une ride. Non, après, tu peux te faire refaire les seins sans forcément devenir accro. Ouais, c'est ça, ça va pas trop. Mais... Je vois pas trop le rapport en fait, parce que tu sais, c'est-à-dire que. C'est une solution de facilité. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Attends, juste un détail. Je suis à la limite d'accord avec toi pour la liposuction, parce que tu peux effectivement faire du sport et des régimes bien particuliers qui font que tu vas perdre, et que effectivement la liposuction, c'est peut-être la solution de facilité. Mais sur le fait de refaire les seins, tu peux faire ce que tu veux, ça poussera pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais bon, des petits seins, c'est très joli, c'est très mignon aussi. Même quoi, ça, après, c'est une question de goût. Non, mais après, il va y avoir des stéréotypes. On n'aura que des angies, des... Mais après, attends, tu peux passer d'un 85A à un petit B ou un petit, enfin un bon C, t'es pas obligé de faire du D, du E ou du F, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais faut voir les résultats. Moi, je sais pas, le si peu que j'en ai vu des seins refaits, c'est pas très très joli non plus, quoi. Hein. On voit que c'est pas naturel. Je sais pas. En vrai, déballé, si je puis me permettre, j'en ai jamais vu. Mais des faux, ouais. Ouais, ça dépend en fait. Franchement, j'en ai vu, mais jamais touché. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien toucher. Ça doit être vraiment spécial. Sandro, ils sont vrais les tiens ou pas? Oui. Après, mais non, je sais qu'elle se touche les seins, mais ça marche. Non. En fait, c'est quand c'est trop, enfin quand tu mets trop de volume à l'intérieur, que là, c'est chiant parce qu'en fait, c'est super tendu. Et donc en fait, tu vois vraiment les plis qui se forment et tout, tu sais, dans le creux des seins là, et ça, c'est horrible. Mais sinon, si c'est léger et tout, une légère augmentation, genre tu passes d'un 85A à un 85B par exemple, C'est surtout quand ils changent même pas de forme. Tu vois, ils sont tellement gonflés que tu sais, la meuf elle peut faire son jogging, elle peut se coucher, mettre sur le dos, sur le ventre. Bouge jamais quoi. Il se passera rien. Et les tiens, Sandro, ils sont vrais ou pas? Oui. Ah, ça marche pas. D'habitude, ça marche dès que tu lui parles de ses seins. Ouais, mais je fais attention spécialement ce soir. C'est hein. pour ça qu'elle dit oui, parce que tu sais, elle se dit. Le temps de me dire, il faut pas que je touche. Voilà, c'est pour ça en fait. Donc toi, t'es contre alors, Arnaud? Bah, il faut pas tomber dans l'excès, quoi, surtout. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis pas vraiment pour non plus, quoi, de toute façon. D'accord, non, mais sur le fait de pas tomber dans l'excès, on est d'accord. Mais en même temps, Aurélie, pour la peine, je pense pas que c'est de l'excès que tu veuilles faire. C'est juste te faire une paire de seins que tu kifferais, quoi. Ouais, parlant de chirurgie, pardon. Bah. Moi, mon corps, je l'aime comme il est. Bah, c'est après, juste que tu voudrais bien pouvoir prendre la bite de ton mec contre les seins. Non, j'ai pas dit ça non plus, mais. Non, mais on a bien compris que c'était quand même un truc que t'aimerais bien faire. Ouais, non, mais c'est vraiment, ça stresse, quoi, parce que vu toutes les réflexions qu'on se prend dans la tête tous les jours. Attends, parce que pour la peine, si tu le fais uniquement pour les réflexions, alors là, qu'ils aillent se faire foutre. Si toi tu te plais comme t'es aujourd'hui, change pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux changer? Mais non, il faut qu'elle puisse mettre un peu de piment dans sa vie sexuelle. Même moi, je me sens pas bien niveau tout. Pour moi, c'est vraiment pas ça, quoi. Mais à cause de ça? Ben oui. Mais à cause de... Non, attends, t'as pas compris la question. Est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est à cause des autres? Tu vois, c'est pas pareil. Non, moi-même, je me sens pas bien, mais c'est aussi à cause des autres, quoi. Aussi. Je vais trop loup, mais tu te sens pas bien à cause de tes petits seins, d'accord, mais la base, ça vient des autres. Si personne t'avait jamais dit, oh, t'as des petits seins, tout le bordel, tu le vivras pas mal. Je me posais déjà la question avant. D'accord, ok, bon bah voilà. Ah les gars, oui, parce qu'il y a des vaches. Mais est-ce que tu penses que toi, avec les années, en acceptant un peu plus ton corps, tu pourrais pas vivre heureuse et épanouie et avoir beaucoup d'enfants. Avec le corps que t'as? Je pense pas, non. Et puis de toute façon, une fois qu'elle aura eu des enfants, elle aura pris 2 tailles de seins. Donc... Non mais c'est ça, en plus quand tu vas avoir des gosses, ça va pousser. Hein. Et mais que ça mais... peut faire un drame, il va falloir bouger celui-là. Pour le coup, là, effectivement, elle choisit la facilité parce que avant même d'avoir essayé de se dire, oh, je vais essayer de vivre heureuse comme ça et il y aura le mec que j'aurai plus tard, il m'aimera pour ce que je suis, etc. Ben, elle dit non, je veux me faire... j'ai pas envie de même pas d'y réfléchir. Oui, à la limite, attends d'avoir trouvé le mec. Et puis si le mec, effectivement, il n'est pas contre, déjà, il t'aura choisi pour ce que tu es et pas pour tes seins, parce qu'il y en a beaucoup qui choisissent aussi. Et puis après, si une fois que vous en discutez que le mec il a l'air ouvert soit il va t'aimer comme t'es et voilà, tu vas peut-être tomber sur un gars comme Arnaud qui va te dire mais laisse tomber, t'es complètement malade, t'es bien, t'es parfaite comme ça, et puis il y a rien à changer. Et pour toutes les filles qui ont un problème avec leur physique, je sais pas, qui veulent se faire refaire le nez, refaire la bouche, qui se trouvent pas belles, vous achetez le Parisien aujourd'hui en France, vous avez page 29, il y a une photo d'Anne Romanoff. Et tout de suite, ça vous relativise la vie. Ça rassure vraiment. C'est ouais, ça, ouais. On a forcément un mal-être, quoi. C'est vraiment un gros mal-être. Mais on a, enfin, tout le monde a des mal-être, que ce soit par rapport à son corps ou par rapport à des problèmes personnels ou de la famille, ou etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas forcément t'enlever ton mal-être. Du nichon. C'est ce que je disais dans l'article. Dans l'article, justement, ils disent que les meufs qui font de la chirurgie, en fait, elles le font juste pour elles. Elles s'en battent les couilles des autres. Hein. Oui, mais tu le fais pour toi. Il y a des nanas qui disent qui regrettent pas du tout leur opération, justement, parce que pour elles, c'était un signe de féminité et elles se sentaient pas sexy sans vraiment sans les gros la paire de niche, pas forcément les gros seins. Non, mais un peu plus, quoi. Et maintenant, elles se font tringler. Après, voilà, normalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, on t'opère pas comme ça. Tu fais normalement, des tests psychologiques. Et le médecin, il est censé évaluer pourquoi tu veux le faire et après, lui, il décide s'il t'opère ou pas. Ouais, en Italie, maintenant, de plus en plus, c'est à 18 ans, quoi, elles ont l'équivalent du bac, qui s'appelle le bacchi, là-bas. Le bacchi. J'en sais rien. Et en fait, elles demandent à leurs parents comme cadeau l'augmentation mammaire. Et les parents l'offrent. Oui, oui. Ah bah bien sûr. C'est comme le permis de conduire à l'époque. Il paraît que c'est subventionné par Berlusconi. Bon, et en tout cas Aurélie, prends la bonne décision. T'as encore le temps, t'enflammes pas non plus. Hein. Tout le monde peut vivre sans la branlette espagnole. Marseille ce soir. Dernier conseil que les médecins donnent en général pour ça, c'est d'aller voir au moins 5 chirurgiens différents. Oui, qui vont chacun te conseiller de manière différente. Voilà. Exactement. Ouais. Et on rappelle aussi de faire un dépistage du cancer du sein. Tu l'as déjà fait toi, Sandra, par exemple? Ouais. Ouais. Mais c'est pour. Yes, ça y est. Ça y est. Elle l'a fait, ça y est. Tiens, parce qu'elle avait pas réfléchi là du coup. Bon, Mathilde et Arnaud, merci à vous en tout cas d'être passé. Et puis Aurélie, bon courage. Tu retournes chez Micha au standard, qui va la reprendre bien sûr avec ou sans sein, lui sans branle. Ah, voilà. Micha, il prend tout. Micha. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Quand tu vas niquer. Il aimerait bien. Mickaël, le podcast. Et nous allons jouer aux questions pour une réponse. Merci Micha. Alors c'est sur Alice. Maintenant il va faire l'animateur. C'est incroyable quand même. Bon, Emmanuel qui est là maintenant, 20 ans. Salut Manu. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe, Guy? Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Non, c'est parce qu'elle parle avec le nez un peu. D'accord. Ça s'annonce tendu ce soir. Ça va pas bien. Non, ça va, ça va. Bon, de l'autre côté, Florian, 18 ans. Salut Flo. Salut Mickaël, c'est toute l'équipe. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Bon, bah tant mieux. Tu veux aller. Tu veux jouer avec qui? Je veux jouer avec Jack, s'il te plaît. D'accord. Emmanuel, tu veux jouer avec qui? Avec Toff. C'est la merguez. Il est pas là. Tu veux jouer avec Toff? Alors, ça va être compliqué parce qu'il vient de se barrer. Je sais pas où il est parti, c'est idiot. Petit orifice à la surface de la peau. Oui. Tu veux jouer avec qui, du coup, si Toff est pas là? Ah, Toff est là. Parfait. Tu joues avec Toff. Allez, Manu, Florian, on y va. Nous allons maintenant jouer à la question pour une réponse. Bonsoir à tous. Salut. Installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez. On va jouer maintenant question pour une réponse. Attention, est-ce que vous êtes qui prêts? Qui ne risque rien n'a rien aussi. Hein. Bah, c'est vrai. Oui, c'est un peu le concept du jeu, hein, Julien. Allez, on y va. Première question. Je rappelle que Manu joue avec Toff et Florian joue avec Jack. Attention. Top. Je suis un objet creux de forme cylindrique et je suis souvent plus haut que je ne suis large. Dans l'industrie, je suis destiné à l'emballage de produits pâteux ou de comprimés. Jack. Une boîte de conserve. Non, Toff. Un tube, bonne réponse. Mais je suis également en informatique une redirection notée par la barre d'espace. Si jamais vous utilisez le mot top devant moi, je serai un bustier qui n'est autre qu'un des vêtements les plus appréciés de Sandro avec le corset. On me définit aussi comme une chanson ou une musique qui connaît un grand succès. Et en pneumatique, je suis un moyen de transporter rapidement des petits objets. En verlan, je signifie but, alors je suis un tube. Bon, bonne réponse. Vous savez d'où ça vient le mot tube pour la musique? Non, mais Laurent va nous l'expliquer. On va bientôt le savoir. Je suis tout fier. Ça vient c'est d'une, la pute, hein. Non, ça vient d'une chanson, je sais pas qui avait chanté ça. Je crois que c'est Henri Salvador qui avait fait une chanson qui s'appelait The Tube. Et en fait, le truc, ça avait cartonné. Et non, c'est pas ça. Et je me lèche les babines. Je suis fier. Allez, rentre chez ta mère. Bon, Manu, tu vas aller réviser ton cellulaire. Je savais. À l'heure. Oui, tu savais, t'es oublié. Il est parti là, je l'avais dans la tête, c'est parti. Sandro sort de score. Mais roux, qu'est-ce qui t'arrive? Et non. Vous savez pourquoi le roux est roux? Un tube, voilà, c'est comme ça qu'on appelle le métro en anglais. Non, en fait, exactement. L'histoire, c'était une chanson de merde et en gros, si tu veux, il a dit c'est comme un tube. Un tube, c'est long et à l'intérieur, c'est vide. Comme le morceau qu'il avait fait à l'intérieur, c'est vide. D'accord, ok. D'où le casse-pied, c'est épuisant. Il y a relou. Déjà, tu vas me changer cette coupe de cheveux, Roux. Très vite. Parce que l'arrêt sur le côté, mec. Non, t'es beau là, t'es beau. On dirait Jean-Michel. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Non, mais Michou, ça me va pas trop mal. Ouais. Par contre, en fait, dans le quartier, ça passerait bien, mais faut que tu mettes d'autres fringues. Qu'est-ce que tu viens de dire, Roux? Moi, je trouve que ça me va pas trop mal. Non. Tu as mauvais goût. C'est un vrai drame. Bon, allez. Deuxième question, Emmanuel. Un point grâce à toi, Florian, 0. Deuxième question, top. Quand je suis naturel, je suis une matière visqueuse exsudée par certaines plantes, notamment des arbres, et j'ai plusieurs noms. Oui, la sève. Non, comme arabique, adragande ou encore résine. Bien entendu, tout dépend du pays ou du continent où vous m'utilisez. Caoutchouc. Non, en matière de meurtre, on aurait pu m'appeler le nettoyeur ou plutôt l'effaceur, car en effet, avec moi, aucun stylo ou crayon en papier ne me résiste. Je peux être un bon à rien, comme une référence en matière mécanique, j'aurais pu être un petit garçon, mais enlever le G de mon mot et je suis un homme. Jack. Un arçon. Ah bah non. Enfin, vous êtes con quoi. Ouais. Enlever un G de mon mot et je suis un homme. Tof. Oui. Une gomme. Bonne réponse. Donc, c'est perché, putain. Est-ce que je peux faire une mise à jour de l'info que je viens de donner? Oh là là, chiant, bon quoi encore. En fait, j'étais à 70% dans le vrai. C'est Henri Salvador qui a fait un morceau qui s'appelle Le Tube. Hello, le soleil, oui. Je crois que c'est ça. Et en fait, ce morceau a fait un carton et... Et si tu veux, il a dit, bah voilà, c'est de la merde. On peut se servir des pieds, des genoux, des coudes et des poings. Ouais. Non, il a pas dit ça. Et donc c'est comme sinon un tube. Sinon, t'as un blog creux. Et tu voilà. Peux t'en servir. Hein. Ça raconte. Ah mais attends, c'est super intéressant. Cette saucisse. Allez, c'est la bonne version, oui. Allez. Prochaine question, prochaine version du roux. Troisième question maintenant. Attention. Un partout. Emmanuel, bah non. Non, 2-1 pour Toff. 2-0 pour Toff. Oui, putain, c'est dur. Hein. Moi aussi, je vais aller faire un tour sur allez, mon blog. Tu feras les cadeaux après. Non. Quelle horreur. Tout sauf ça. Allez, attention. Top, en latin, je suis appelé Citrus lanatus. Un oui. Citron. Non. Non, top, je n'ai pas dit lanus. Hein, et je suis une plante herbacée de la famille des cucurbitacées. Top. Un concombre. Non, Jack. Un concombre. Non. Je viens le plus souvent des pays chauds et ma culture est très ancienne et attestée dans l'Égypte antique. Je suis répandu sur les bords de la Méditerranée et dans l'ensemble des pays chauds. Je pèse entre 5 et 20 kilos. Je suis en général... Toff. Jack. Une aubergine. Non. Je suis en général rond mais les Japonais ont réussi à me rendre carré. Eh oui. Je contiens également quelques vitamines comme la vitamine C, B1, B6 ou encore la vitamine A. Donc en gros à la base c'est des gâteaux. Oui. Juvamine. Non. Toff. Des gâteaux et des chocolats. Une pastèque, bonne réponse. Je suis bon pour la santé, je suis aussi employé pour désigner des anciens communistes reconvertis en écologistes après la chute du mur de Berlin. Il y a autant d'eau en moi que dans le cerveau de Sandro. Et si vous m'enlevez le P de mon mot, je suis un peuple disparu d'Amérique du Sud. Je suis donc une pastèque. Je peux faire c'est elle la patronne, c'est elle qui décide maintenant. Merde. Alors là, même pas en raid, hein, je veux dire. Bon, Florian, 3... non, pardon, c'est perdu. Emmanuel, 3-0. En fait, un tube. Ouais, mais il s'en fout. Ouais. Non, c'est une fille. En même ah, pardon, mais elle s'en fout. Ah, pardon, c'est une fille. Combien mesures-tu? En même temps, elle répond plus. Hein. Emmanuel. Merci à tous. Hein. Attends. Combien mesures-tu? 1m61. Combien pèses-tu? 56 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Oh. Je t'écoute, Emmanuel. Combien? Emmanuel, le tour de poitrine. Combien? 95B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 38. Non, ça va, tu pouvais gagner. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aura pu gagner. Hein. Enfin, toi, t'as bien la possibilité de faire de la radio avec ta tronche. Non, mais s'il avait été moche, j'aurais pas répondu. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Non, c'est bon, Michael. Emmanuel, ouais, je sais, merci, Julien. Emmanuel, bravo à toi, tu repars chez Michel au standard. On va prendre tes coordonnées, t'envoyer ton cadeau. Et puis, Florian, tu repars. Le cadeau de Michael. Ouais, les cadeaux de Michael, merci, Julien. Et toi, Florian, tu repars les mains vides. Les mains vides, et oui, eh oui. Salut à toi. Salut, bonne soirée. Allez, à bientôt, ciao, bye bye. Michael, le podcast. Bon, ah bah oui, alors Monsieur X, bon bah bravo hein, hier soir, hein, vous êtes arrivé en retard. Pas du tout. Ah si, si, ah si, non, si. Non, je peux pas vous laisser dire ça, j'étais là, vous m'avez fait attendre, vous m'avez laissé parquer comme du bétail, comme une espèce de grosse merde dans un coin. Non, vraiment, j'ai honte à votre place. Non, mais pour vous êtes arrivé en retard. On a changé les rôles, Monsieur X. C'est ça, ouais. Non, je n'étais pas en retard, c'est faux, j'étais là bien à l'heure, bien en avance comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, comment se porte votre membre, enfin votre prothèse? Ça va mieux, plus de 5 semaines avant de de pouvoir refaire exploser mon missile dans les champs de poils. Oh, c'est horrible. C'est dur, hein. Il est perturbé. C'est le tube qui pose un problème. Non, qu'est-ce qui vous... Mais c'est pas possible d'avoir un problème comme ça. Sinon, puisqu'on parle d'explosion... Non, mais attends, parce qu'on sait pas ce que t'as eu à la bite. Si, c'était fait opérer là à Caracas, je sais pas trop quoi là. Bah oui, non, à Cuba, c'est à La Havane. À Cuba, oui, c'était l'opération gratuite, j'ai fait une petite opération. Mais quoi ? Pour faire monter la top. Ah, enfin, putain, mais c'est incroyable ça. C'est ça. Donc, alors, monsieur X, bon, qu'est-ce qui se passe alors, quoi ? Ah, mais non, mais donc, puisqu'on parlait d'explosion, vous savez combien de litres de sperme on éjacule en une vie ? Moi, un peu plus, ou un peu moins, mais en moyenne. J'en sais rien, monsieur X, et on s'en branle. C'est fondamental. 53 litres de sperme. Vous imaginez ? 53 litres. Une baignoire de sperme. Dans une vie. Une petite faciale. Oui, dans une vie. Monsieur X, mais comment vous faites pour être aussi crade ? Ça dépend, en fait. Je sais pas ce que vous trouvez de sale à tout ça. Cléopâtre déjà faisait des bains de sperme. Cléopâtre, oui, non, on veut pas savoir, monsieur X, c'est bon. Oh là là. Vous voyez comme vous êtes. Vous ne voulez pas aider vos auditrices à avoir une belle peau douce, soyeuse. Et si vous ne le faites pas pour elles, faites-le pour leurs mecs qui vous remercieront. Oui, oui, vous vous foutez de moi ou quoi, monsieur X, là ? Vous voulez que je fasse la promotion des jacques faciales ? C'est ça, oui. Ça vous pose un problème ? Bah évidemment, c'est dégueulasse. Et en plus, ça colle. En plus. Oh. Vous ne savez pas apprécier les choses simples dans cette émission. Hey, ça doit être ça, monsieur X. Ah, on sent que ça vous manque de sexe depuis votre opération de logement de la Verge à Cuba. Hein. Ah, si vous saviez à quel point j'en peux plus, je suis obligé de m'introduire des concombres en regardant des films pour calmer mon excitation. Non, j'en peux plus. Et dire qu'il reste encore 5 semaines. Eh bien, vous savez, monsieur X ? Non, dites-moi. Je ne compatis absolument pas à votre douleur. En même temps, c'est bien fait pour ta gueule. T'as qu'à réfléchir avant de te faire tirer la bite. Mais c'est vrai, ça. Je n'attendais pas moins de compassion de votre part, monsieur. Oui, bon, au moins, ça vous laisse le temps de lire, monsieur X. C'est vrai, et ça me permet de vous proposer de très grands auteurs pour mon émission Bouillon de Culture X. Ah oui, alors, de grands auteurs, hein. Vous mesurez ça à la taille de leur sexe, par exemple ? Je sais bien que vous n'êtes absolument pas sensible à cette littérature. Bah, laquelle ? On t'a déjà dit que ta petite critique littéraire vous faisait penser à Eric Bolos. Bon, merci, tu es notre Eric Bolos à nous. Ça me touche beaucoup. Non, laquelle ? Quelle littérature, là, monsieur X ? Ma littérature personnelle, s'il vous plaît. Laissez-moi seul avec mes livres pour que vos auditeurs puissent profiter au mieux de cet instant branlette. Oui, bah, je sais pas ce qui arriverait à se branler en vous écoutant. Hein. Enfin, qui arriverait, pardon, à se branler en s'écoutant. Hein. Enfin, bon, bref. Ce n'est pas ma voix l'important, mais la beauté du texte. Vous allez voir comme c'est bandant. Heureusement que c'est pas votre voix l'important, hein, parce que sinon, on serait pas dans la merde. Ce soir, je vais vous lire un extrait des Sœurs jumelles pour un homme comblé de François Schneeburn. Comment ? Schneeburn. On dirait que tu prends un morceau de poutage. Comment, vas-y ? Schneeburn. Oui, c'est assez particulier comme nom. Bon, allez-y, vite, on n'a pas le temps. Écoutez, vous allez voir. Vite. Oh, merde ! C'est magnifique. Allez, vite ! Comme un con, je les accompagne dans la débauche. Lèche avec application et donne des coups de rein ravageurs. Le bruit des ressorts du matelas malmené forme avec leurs cris un encouragement. Défonce-moi, lèche, avale. Ah bah oui. Une étrange symphonie. Ah ouais, voilà, quelle symphonie ? Une seconde brûlure naît sur mon ventre et augmente d'autant mon envie de les casser en deux. Je voudrais qu'ils changent de place pour savoir si elles sont des jumelles en tout point, si leurs vagins sont aussi accueillants et leur liquide intime aussi délicieux. Les minutes s'écoulent, bizarrement l'éjaculation libératrice ne vient pas. Par contre, à certains gémissements qui prennent de la vigueur, je comprends que l'une approche de l'orgasme. Celle vissée sur ma bite n'a plus la régularité de métronome affichée voilà peu. Ses mouvements sont plus saccadés, beaucoup plus désordonnés, et dans un ultime spasme qui me serre le pénis, elle hurle son plaisir avant de s'affaisser. Enfin, Prudencia quitte mon visage, qui lui servait de siège jusqu'ici. Oh. Ah, bah, c'est bien, juste pour la fin. Elle a joué vite, ça réduit votre lecture, c'est pratique. Ah mais attendez, j'ai un autre passage. Oula. Oui, mais enfin bon, vous n'allez pas lire jusqu'au bout de la nuit. Ne sois pas si pressé, me glissa Prudencia, qui se positionne au-dessus de mon pénis poisseux. Oh. Toujours au garde à vous. Tu vas voir que nous ne partageons pas un homme de la même façon. Que me chante-t-elle là ? Je comprends mieux lorsqu'elle guide mon pénis entre ses fesses. C'est donc ça son trip. Doucement, elle se laisse descendre, la bouche fermée. Elle ne laisse rien transparaître. Pour une fois, une bouche fermée. Plaisir ou douleur, enfin son anus livre passage à mon gland. Par esprit de vengeance ou par vice, dans un grand déhanchement, j'investis son fondement jusqu'à la garde. Oh. Elle crie, je crie aussi. C'est si serré que ça me brûle. Oh. Salon, dit-elle. Oh, un éclatant sourire sur les lèvres. Hélène Sa ne demande pas mieux qu'être brutalisée de la sorte. À l'image de sa sœur, elle débute son manège, monte et descend. Cette fois-ci, je ne peux plus me retenir et me vide à grands traits dans ses intestins. Oh me suis que je ne sais pas c'est comment vous faites pour trouver des histoires aussi intéressantes. Ah, enfin vous appréciez mes livres. Vous en voulez un exemplaire? Non, vraiment, monsieur X, je ne vais pas vous priver. Hein. Merci beaucoup, monsieur X. Est-ce que vous pouvez nous répéter le nom de l'auteur? Bien sûr, je peux faire ça pour vous, monsieur Roux. François. Très bien, en vous remerciant, monsieur X. Une machine à bruitage. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Hein. Oui, avec un très très beau roman la semaine prochaine également. Ah bah tant mieux, on est impatients. Avec plaisir que je vous le ferai partager. Et ce sera donc lundi, le jour où vous êtes censé venir. N'arrivez pas en retard, s'il vous plaît. Mais je suis toujours à l'heure, c'est vous. Oui, bah, on l'a bien vu, on l'a bien vu la semaine dernière, on l'a bien vu hier, pardon. Non, c'est vous, c'est vous. Oui, c'est ça, c'est toujours moi, oui. Bon, allez, au revoir, monsieur X. La bonne soirée. Au revoir. Au revoir, très bien. Oh là là. Mickaël, le podcast. Allez, minuit 10, juste avant l'ardif du 6-9, on se fait The P.O.L.O. Show. Attention au démarrage, on est parti, let's go. Et c'est FX dans l'émission Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop-Pop- Bienvenue dans le Polo Show qui est une espèce de poubelle en fait. J'ai l'impression, en fait, ça fait deux semaines ou plus d'un mois, j'ai des réas différents. Je sais pas, est-ce que je sens mauvais et vous me fuyez? Et il serait judicieux de dire bonjour à ton réa. Pardon? Il serait bon de dire bonjour à ton réa. Non, je n'ai pas envie de lui dire bonjour. J'ai l'impression de puer. Donc c'est pas grave, si je pue, tant pis, j'aime répandre cette odeur désagréable et nauséabonde dont je suis habitué. Merci à Paul qui réalise cette émission. Peut-être qu'un jour il sera fier de dire à ses petits-enfants ou à d'autres élèves du SUDEC qu'il a réalisé le Polo Show. Merci Paul. Allez, qui est là? Allô? Allô? Bon, c'est quoi ton prénom? Monsieur? Non, tu t'appelles Sylvain? Non. C'est quoi ton vrai prénom? Thomas. Ouais, Thomas, tu vas pas venir tous les soirs pour me faire monsieur oh, j'en ai rien à foutre moi, d'accord? Ouais, mais moi ça me fait peur le téléphone qui... Ouais, ben moi ça me fait pas peur, allez casse-toi, pub et on se retrouve juste après. Ce qui est bien avec l'iPhone, c'est que si vous voulez vérifier l'impact écologique de vos paies ou vos ronds, il y a une application pour ça. Si vous voulez apprendre de nouvelles techniques pour vous dépiauter le nez, il y a une application pour ça. Et si vous avez besoin d'une cible pour jouer à « Je perce mes boutons en visant le mille », il y a même une application pour ça. En fait, il y a une application pour à peu près tout. Uniquement sur l'iPhone. On y va. Salut, c'est Magic System et on est dans le Polo Show. C'est ça qui est la vérité. Pas, ça va pas marcher. De retour dans le Polo Show, qui est là? Allô? Allô? Allô? Ah, comment tu vas? J'ai un cadeau pour toi. Tu râles tu râles depuis des mois. Hop là, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Allô? Allô? Oh là là, oui. Michel, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que tu fais là? Qui sont Allô. Ces gens? Qu'est-ce que vous me voulez? Allô? J'aimerais être votre stagiaire. C'est quoi ton prénom? Paul. Paul, tu es déjà mon stagiaire. Oui. Paul? Oui. Bon, tu es déjà mon stagiaire. Tu peux pas encore rappeler et devenir mon stagiaire? Paul? Oui. Tu es dans quelle dimension là? Oui. Paul? Oui. Paul? Oui. Bon allez, t'as quelque chose à dire, Paul, ou pas? J'aimerais bien être stagiaire. Bon allez, casse-toi. Qui est là? Un autre auditeur, on y va, allez hop là. Il manquait plus que lui. Le vrai. Polo. Quoi? Non, l'autre, c'est monsieur O qui a peur. Tu vas me laisser parler, oui? Oui, on sait que c'est minuit 13. Il est minuit 13 et 26 et 27 secondes. L'autre, c'est monsieur O qui a peur du téléphone. Polo. Quoi? Eh ben, tu sais quoi? Non. Eh ben, je viens de me branler. Explique-moi un peu la démarche, vite fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris ton membre et tu l'as astiqué. C'est ça? Eh ben non, ça s'est passé comme ça. J'ai bu un café devant moi. Ouais. Et puis je l'ai bu. Et j'ai écouté Igaël. Ouais. Et puis j'ai entendu Sandra. D'accord. Et tu t'es branlé sur qui? Sur Igaël ou Sandra? Parce que attends, c'est différent là, monsieur. Monsieur. Et ben sur Sandra. Ah bah oui. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vienne essuyer? Qu'est-ce que tu veux? Et parce que oui, tout est parti sur la porte. D'accord, et bah tu. Bah je ne sais pas. Voilà. Monsieur. Monsieur. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Monsieur. Pour votre vulgarité, votre méchanceté, votre ordurier, votre. Comment on dit? Ordurité. Polo. Dehors. Dehors, il y a du monde. Allez, casse-toi. Qui est là? Un dernier auditeur, on y va et puis on plie bagage et puis je m'en vais. Allô? Yo. Oh. C'est pas possible. Quoi, j'hérite de quoi? De tous les goliots Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est Baptiste. Qu'est-ce que tu veux, Baptiste? Je te regarde à la webcam. Ah, bah tiens, hop. Ouais, Baptiste. Pourquoi tu as un bonnet alors que t'es pas dehors? Ouais, je comprends pas. Tu sais que cette question, on me la pose depuis... Alors, je vais expliquer. Je porte un bonnet parce que j'ai des cheveux dans un état assez bizarre. Et il fait ça pour nous, et ça, c'est beau. Tous les ans, les gens me prennent la tête. C'est une sorte de... Tu vois? C'est une sorte de d'habitude, tu vois? Ah bon? D'accord. Voilà. Et dès que je fais un truc, les gens me prennent la tête. Pourquoi t'as la barre? Pourquoi t'as un bouton là? Que tu... Bon, Baptiste? C'est vrai que t'es pas Baptiste, très beau, Baptiste, quand même. Baptiste? Oui. Casse-toi, voilà. Si ça s'achève le polo show. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, je suis dernier tous les soirs, et ça, c'est... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Exactement, ouais. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit, sur Énergie, et l'intégrale, en podcast, sur énergie.fr.